Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 heures sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs, évidemment de 20h à 22h30. Si tout va bien. Oh là, il y a un problème au niveau musique derrière, non? Non, c'est moi qui ai baissé la musique. T'as la tranche qui craque. Ouais, sinon on t'entend pas, regarde, si je remonte la musique, quand tu parles on t'entend pas. Ah mais si, on peut m'entendre, t'inquiète. Alors j'espère que vous allez bien, on est presque au complet, il y a Canon qui est pas avec nous ce soir, ouais. Pour des raisons certainement professionnelles je crois. Ou sexuelles. Voilà. Ou sexuelles. Donc mais nous on est là, évidemment, fidèle au poste, avec ce soir, évidemment, on va commencer par le présenter lui, puisqu'on l'attend tous les mois, c'est toujours un événement ici dans l'émission, je veux bien sûr parler de... Stéphache. Alors. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça. En pleine forme. Oui, en pleine forme. Content de vous retrouver. J'ai raté nous un aussi. Épisode. Donc, bah ouais, oui. Je vous ai fait faux bond à la dernière seconde, c'est le cas de le dire, ouais. Mais là, je suis là. Donc, du coup, Sherlock a dû le faire à ta place. Et alors, ça a donné de la merde. Donc, il a tiré au sort deux titres qu'il a essayé de mixer. C'est ça. Et donc, ce soir, tu prends ma place. Ouais, bah, on va essayer. C'est vrai, ce serait un bon défi, ça, tiens. Ouais, et toi, tu prends la sienne. Ouais, bon, bah là, ça va. Lui, il y aura moins de vie. Lui, il pourrait le faire. Bah ouais, évidemment, bah oui. Il pourrait le faire. Alors, Stéphache, on est évidemment content de te retrouver ce soir. Rappelle-nous un peu le principe du défi Mix 80. Le défi Mix 80, bah, c'est pas trop compliqué, mais, enfin, c'est pas trop compliqué pour vous, puisque vous avez tiré au sort des titres années 80, forcément, parmi plus de 500, 600 titres. Années 80, tout style confondu, donc on peut avoir de... 500... Si, la fois dernière, c'était 300. Enfin, c'est 300 ah, non, suivant la 300, police, c'est 600 suivant la préfecture. C'est ça, les manifestants. Et chiffon, c'est fini. Oh non, ça fait quelques mois qu'il y en a quand même plus de 500. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, mais bon, on les recontrera un jour, mais j'ai pas trop le courage, là, tu vois. Mais en tout cas, je confirme que c'est tout style confondu. Donc, autrement dit, on peut avoir de la variété française, étrangère, de la pop, du funk, des farandoles si on veut, pourquoi pas, du rock, des slow, les farbons, des farbons, pourquoi tu dis ça? Et ça y est, commence. Et donc vous allez tirer au sort 6 titres et l'objectif pour moi c'est d'en faire une session d'une quinzaine de minutes et d'essayer d'enchaîner ces titres du mieux possible, sachant que vous me laissez toujours beaucoup de temps pour en préparer ces... Ah oui, impressionnant. Une bonne dizaine de minutes. Et Dieu sait que ce n'est pas une sinécure quand même pour toi. Mais on se débrouille. Voilà, je voulais placer le mot sinécure ce soir. Ça c'est fini, ouais, voilà. On a passé Forban et sinécure. Voilà. Je pense et ben, que ça y est, on a gagné la suite. Ouais. Bon, et ben, on va continuer à faire la présentation évidemment ce soir de ceux qui vont participer à l'émission, ou enfin en tout cas un petit peu. Enfin bref, la voix féminine qui est avec nous, Onissa. Hello, comment ça va? Ça va mieux, un petit peu mieux. Ouais, bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'es malade, hein, ça arrive à tout le monde. T'as pas mangé de salade? Ah non, et de la laitue, jamais cocu, mon œil, hein, j'en branche plus. Bon, au moins, ça c'est dit. Alors, Onissa, ce soir on te retrouve avec une chronique. Oui. C'est sur qui? Les dessins animés. Ouais, d'accord, mais qui? Une petite dame avec une cuillère. Ah, Pepper Pot. Ouais, j'adore. Ah, madame Pepper Pot. Ah ouais, tiens, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Flipkot. Comme d'habitude, toi, de toute façon. Madame Pepper Pot. Ah non, plus. C'est ton style de femme. Tu sais pas ce que c'est, madame Pepper Pot? C'est mon style de femme, en plus. C'est la dernière nouvelle. Non, je suis sûr que tu connais. Elle était mignonne tout plein, c'est ton style de femme. Ouais, mais elle peut être mignonne, c'est pas pour autant que c'est mon style. Non, mais ça me dit rien. Ah bah ouais. Elle était aussi grande que toi en fait. Ouais. La cuillère. Ouais. C'est qui est touché par toi. Écoute, on a hâte évidemment de. Ouais, il a plus de souvenirs de Zora Larousse, hein, je pense. Ah ouais, mais celle-là c'était collector celle-là. Hein. Ah, surtout Sherlock. Oui, bon, désolé, j'ai réarrangé un petit peu le générique. Hein. Ouais, mais je la fais plus la chronique. Et ben donc on a hâte de t'entendre sur cette chronique donc de Madame Pepper Pot. Flipkat, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah, ma foi, ça va bien. Hein. Ouais. Bonne surprise parce qu'on devait pas t'avoir Et on t'a. Et donc, mais non, en fait. Bonne surprise. Ouais, je sais, il m'a dit. C'est une surprise quand même. Bah, c'est pour ça que j'ai. Une surprise. C'est pour ça que j'ai pas envoyé le message pour dire qu'au final je venais quand même pour faire la surprise. Ouais, bah, c'est fait, ça y est. C'était loupé. Et voilà. Alors, on est surpris, on est content. Donc, je suis venu vous emmerder un petit peu. Et bah, ça bien, marche. Mon ça loulou. Marche. Et ce soir, on va recevoir les Miss. Donc, Là, c'était ta surprise. Ah, ça serait géant, ça. 15 candidates de l'élection. Et on te les laisse toutes. Pas de bol. En plus, je suis même venu une chronique. Oh. Ah, bien. Alors, ouais. Apparemment, un One Hit Wonder. Ouais, parce que je sais que vous aimez bien. Ah ouais, j'ai fait un truc à l'arrache, comme il n'était pas prévu que je vienne. Et comme j'ai eu un décalage dans mon planning d'un jour, bah, je me suis dit, ouais, je vais quand même venir. Ah, bah c'est bien. Voilà. Bah, écoute, ça fait plaisir. Est-ce que Stéphane, tu sais ce que c'est qu'un One Hit Wonder? Bah, je suppose un groupe qui n'a fait qu'un titre, qu'un voilà. succès. Bravo. Ah, peut-être quelques pas qu'un titre, ouais. mais en tout cas, au moins. Un seul titre. Connu, on va dire. Voilà, ouais, c'est ça, absolument. Il y en a aussi qui n'ont fait qu'un titre, on l'avait vu, ça. Mais oui, là, c'est la plupart du temps, c'est ça. Ouais, il y en a d'autres qui n'en feront plus qu'un. Hein. D'ailleurs, on salue Johnny au passage. Il va très mal. Hein. Ouais, est-ce que Canon ouais. a une chronique ce soir Canon. Oui, alors, et on avec nous Canon. Oui, salut la Belgique, salut la France, salut le monde, salut les garçons, salut les filles. C'est bien, c'est qu'il est multifonction. Alors, Canon, une chronique. Bah non, comme d'habitude. Uniquement. Et je t'emmerde. Je vais vous parler de toi. Alors, je vais vous parler des claviers. Alors, il y a le Korg, le DX7 et le Moog, alors qui fait vraiment les basses. Mais tu sais, s'il y avait un peu de réverb, s'il y avait un filtre pour ton micro, tout ça, mais ta voix passerait nettement mieux. Bon, bah merci à toi, Canon. Sinon, nous sommes avec Sherlock, vous avez reconnu oui, sa voix. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et bien, donc ce soir, évidemment, la sempiternelle chronique rétro ciné 80. Oui, effectivement. Ciné rétro 80. Ciné rétro 80. Oui, ouais, j'ai un peu mélangé. Ouais, mais tu fais ça toutes les semaines, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est bien. Et donc ça, ce sera donc à 21h. Oui. 22h, tu vas nous donner envie, normalement en principe, d'aller au cinéma. J'espère, oui, quand même. Au bout de... Ça fait quoi? Ça fait bien 3 ans que je suis là. Mm-hmm. J'espère quand même, au bout d'un moment, vous donner envie d'aller au ciné. Bah, je crois que la seule fois où je suis allé au ciné, c'est un film dont t'as jamais parlé, c'est Sausage Party. Blague à part, t'as vu le jeu qu'ils ont sorti avec... C'est j'ai pensé à ça tout de suite. C'était quoi? Sausage Party. C'est ouais, c'est un jeu comme ça, c'est avec une petite saucisse. Ouais. Ouais. Il faut la secouer, faire le maximum de temps. Ah bon? Ah non, je connais pas. Tiens. Ah non, c'est quoi? Ils en ont parlé ce matin à Radio Contact et ah ouais. Les animateurs, ils font un concours, mais à mourir de rire. Hein. Et t'as la petite saucisse qui s'agite. Bah comment tu peux le voir à la radio? Mais non, mais c'est parce qu'ils expliquent tout le jeu. Ah d'accord. Et c'est toi qui s'est imaginé. J'ai pensé à toi tout de suite. Je dis, oh, tu vas demander ça. Oh, on pense à la petite saucisse. Ouais, dès qu'on parle de petites saucisses, on pense à... Ah oui, on m'appelle Harry Kaby. N'importe quoi. Eh bien, donc un bon programme ce soir. Je pense qu'on va bien s'amuser et on va démarrer en trombe avec un premier tirage pour la première session du Défi Mix 80. Mais allez-y, mais... Ah oui, il fait nom de la tête, il dit ouais, allez-y, mais il fait nom de la tête. Faites-vous plaisir. Allez, tirez. Allez, tirez. Il y aura Onissa, Flipkat et Sherlock qui vont tirer 2 titres. On vous rappelle le principe aussi, vous nous donnez le titre, il faut le chantonner, Flipkat, même si c'est du format, tu chantonnes. Penser, ça tu le sais. Hein. Non, il n'y a non, pas de raison. Écoute, non, il n'y a pas de privilège. Ah non, mais ça peut tomber sur un titre anglo-saxon que tu connais. Minute, j'ai pas fini. Ouais, c'est 50-50. Voilà. Vas-y, Flipkat. Alors, le premier, c'est Musical Youth avec Pass the Dutch. Ah, oh, bah ça, tu peux le faire. Oui. Vas-y. Voilà. Mais j'ai reconnu. Ouais, c'est ça. En plus, c'est pour vous emmerder. Qui veut dire, d'ailleurs, tu peux faire la traduction. Oui, on en avait parlé. Bah ouais, bah tu peux le refaire. En fait, ça parle pas de... C'est question de la fumette, quoi. Tu peux le dire, hein, ça veut dire pas ce joint, mais... Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Et le deuxième, par contre, je connais pas du tout, Philippe Rousseau, Magie Noire. Ah, si. Ah, j'ai... Ah. La Magie Noire. La Magie Noire, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, bref, c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. Bien. J'adore, c'est Stéphane qui t'imite. Maintenant, je crois que c'est passé dans les mœurs. Le fait que quand tu chantes, tu fais un peu comme Chantal Goya avec Fandi Panda. Fandi Panda, ouais, c'est ça. Mais là, c'est ce que ça me rappelait, oui, effectivement. Bah non, je l'ai pas fait là pour le moment. Mais non, mais justement. Mais c'est vrai que depuis que tu le fais, à chaque fois, tu me rappelles Chantal Goya. Ouais, Fandi Panda, ouais. Ouais. Quand tu fais ça que t'es... Ah oui, Pandi. Panda. Il danse à la polka. Non, je crois pas, non. Si. Non, petit ours de Chine. Ah oui, mais il danse la polka à un moment. Non, je fais le pari qu'il danse la polka. Bon, mais le disque, il faut. On regarde sur Internet, mais je te dis que Panda danse la polka. Je sais pas si j'ai... Est-ce qu'on peut appeler... On peut appeler... Tu peux appeler Nami, on peut appeler Brigitte Macron. Question Panda, elle s'y connaît. Ah oui, bah oui, parce qu'elle a donné le nom de... Ou un concessionnaire Fiat, c'est comme vous voulez. Bon, ça c'est moi. Ouais. Ouais. Deuxième titre. Fiat Panda. Troisième titre. Ah, il fallait trois titres. Non, non. Alors, c'est The Cure. Pardon. Yeah. Ah bah alors, on va vérifier. Bon. Alors voilà. Et je vous le dis, attention. Qui danse la polka. Ah ouais, mais le problème c'est que... Ah oui, il faut s'appeler... Moi je vous dis qu'elle danse, il danse la polka. On va regarder. Allez, on part à Paris. Je parie un coca. Ça peut peut-être arriver, hein. Je sais pas. Tu sais, j'ai des soirées, des fois, regarde samedi par exemple. Attention. Pas de polka, j'ai les paroles. Si, mais dans la version polonaise. Ah, ouais. Ah dans la version polonaise, ok. Polonaise. Ouais, celui-là, alors on va s'appeler le morceau complet. Ah, bah je pensais qu'il dansait la polka. Non, non, c'est moi lui. Ah ouais. Tu pleures parfois. Non, maintenant il danse la Zumba, mais. Alors, troisième titre. Bon, quand même, y aller. On baisse un peu, hein. Donc, The Cure. On écoute d'une oreille si on parle de. Ah, le labaï. Le labaï. Bah, le labaï aussi, si tu veux. Ah, ça, c'est mieux, ouais. Quand t'es fatigué, le labaï. C'est cure. C'est pas évident, ouais. Cure. Ouais. Et après, Terence Tranda. Terence Darby. Dance Little Sister. C'est un mixable au titre. Je dois faire ça, moi, après. Ah, ouais. Tu vas t'amuser. Bah, attends, t'as pas entendu les miens. Bah, écoute, j'y vais. Eh, ça fait partie de ton contrat, des merdes de Zizi. T'as pas entendu les miens. Sherlock, à toi. Alors, bah, moi, j'ai eu. Soldat Louis avec Dur homme des femmes, un accordéon pour valser tant qu'on veut. C'est sympa. Ah ouais, ça va être chouette. Maman dansant de la polka. Ça, ça va rester. Et ça. Ensuite, Philippe Swan avec Dans ma rue. Ah ouais. Il y a le cinglé du jogging. Je sais pas ce que je vais faire. Qui danse la polka. Alors là, franchement, si t'arrives à nous mixer tout ça, franchement, là, c'est balèze. Ah ouais, carrément. Il manquerait plus que d'inclure un pandipanda dedans. C'est ça. Alors, bah écoute, bah voilà. Bah voilà, fallait pas l'ouvrir, bah tu vas nous mixer en plus Pandipanda dedans. Ouais, ouais, c'est parti. Le bonus track, c'est ça. D'accord, ouais, ça sera excellent. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale. On va demander à Stéphane de faire une roulette song. Ah bah non, moi j'avais déjà préparé. Et, on va demander à Stéphane de faire une roulette song. Non, mais vas-y, je t'en prie. Alors, moi j'avais préparé Eurythmics avec Sex Crime. Oh, yeah, ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Je sais pas, en fait c'est la bonne musique, c'est parce qu'on a on a une personne dans le studio qui est Michael et je lui ai demandé tout à l'heure de me donner une lettre, il m'a dit j'ai dit d'accord, donc et donc j'ai trouvé Eurythmics avec Sex Crimes. Non, il a dit sex. T'as dit ah oh bon bah Sex Crime. Et ensuite je lui ai redemandé une lettre, il m'a dit W. Ah ouais, t'as qui? Et j'ai Wang Chung avec Dance All Days. Eh ben alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Eh ben on va s'écouter ça tout de suite. Eh ben ça marche. Tu verras bien. Allez, c'est parti. Do your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance hall days. We will go on craze. When I, you, and everyone we knew believe, do, share what was true. I said, dance all days long. Take your baby by the hair, pull her close and there, there, there. Take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew all days long. Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew believed in sharing what was true. I said, dance all days long. Alors là, je suis fan, et j'avoue, on en parlait avec Mike hors antenne, on se rappelle pas du titre, oui. Le nom du groupe, on se rappelle très bien de la chanson, rappelle-nous le nom du groupe. Alors le groupe c'est Wang Cheng. Ah ouais. Alors on croit que c'est un groupe chinois, mais non, pas du tout. Oui, ouais, ça bah, fait... Vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est vrai que ça fait chinois le nom, et c'est bah, Dance ouais. All ah, bah, Days. Il y avait, dans la même trempe, il y avait le groupe de Jean-Jacques Goldman, c'était pas chinois non plus. Oui, pourtant, Taifong, ouais. Taifong, voilà. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, et peut-être ce serait bien que tu repasses un titre de Taifong. Je vais essayer d'en trouver. Ouais, parce que ouais. Je pense pas en avoir là, mais. Bah, de toute façon, il y en avait qu'une de connue, hein, de finalement. Laquelle, mais, ouais, je pense. Ouais. Mrs. Jane, c'est ça, hein. Ouais, Mrs. C'est Jane. Ça. Sister Jane. Ah ouais, monsieur et Mrs. quand même. Hein. Bah tiens, en parlant de Mrs. Vanessa. Oui. Tu vas nous parler d'une autre Mrs. Oui. D'une autre Miss. Puisque Missy, c'est plus rien. Madame Pepper Pot. Et ouais. Qui est-ce qui se souvient de Madame Pepper Pot? Ah bah oui, à bah, moi. Pepper Pot, Pepper Pot, Madame Pepper Pot. Ah oui. Mamie, ah oui, avec ça. Stéphane, tu te rappelles? Bah non. C'est vrai. Écoute, non. C'est une petite mamie qui a toujours une cuillère. Je vais te retrouver le générique. C'est pas Mamie Nova, ça, non? Non. Ça, sa cuillère, elle est dans le pot de yaourt, idiot. Ah ouais. Madame Pepper Pot, ça faisait ça. Vous y faites. Ah, Flip 4, ça, ça parle. Ah, pas du tout. Bah, moi, non. C'est bizarre. Mais... Madame Brinborion. Ah ouais. Parce que normalement, elle s'appelait Brinborion. Ah ouais. C'était son nom original. Oui, c'est. Et pourquoi Pepper Pot alors? Bah, c'est la traduction en français. Ah, d'accord. Ok. Ah, si, si, si. Moi, je me rappelle très bien. Si. Ouais, enfin, je suis de la même génération en plus. Ah, oui, ouais. Alors là. Donc il y a eu 43 épisodes, la première diffusion en 84 sur TF1, mais dans l'émission Vitamine et Croque Vacances. Ah oui, Croque Vacances. Ah, et pourtant Clémentine. Et pourtant j'ai regardé Croque Vacances. Bah donc tu Clémentine et Isidore, vous vous rappelez? Ouais, attends, ouais. Je dois avoir le générique. Je dois avoir le générique. Ne dis plus Croque Vacances. Oui, tic tic tic tic, il nous colle tout le générique. Ah ouais, non, Croque Vacances, j'adorais, c'était ça Croque Vacances. C'est ça pourtant, oui. Ah bah oui, bah c'était dedans bien sûr. Croque Vacances, c'était ça. Vive le temps des vacances. On se voit à la fête de la bière, Monique. Eh oui, avec Christophe Isard, je crois. Oui, c'est ça, c'était lui Christophe qui Isard. Ça, hein. Ouais. Oui, après, c'était Claude Pirard. Ah, c'est Claude Pirard, donc Isard c'était le producteur. Ouais. C'était le producteur et Pirard c'était le présentateur. Merci Mike. Mais de rien. Eh oui, oui, alors Madame Pepper Pot. Si, Madame Pepper Pot, alors comme ça n'est pas tous les deux, c'est une petite mamie et en fait elle. Elle a une cuillère autour du cou, on a compris. Oui, et cette cuillère lui permet de rétrécir, de devenir la taille d'un lilliputien. Le seul problème c'est que. En plus, plus petit que ça, hein. Oui, toute petite. Toute petite, plus que les lilliputiens. Les lilliputiens, ils sont tout petits, les lilliputiens. Oui, d'accord, les lilliputiens font peut-être 50 cm, j'en sais rien, mais elle faisait 10 cm. Bah, elle avait la taille des souris. Des animaux. Ouais, avec bah, elle n'a pas une c'est une lilliputte. C'est, ouais, c'est en vrai. Et non pas une. Ouais, c'est bon. Non. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'en fait, elle ne le savait pas quand est-ce qu'elle allait rétrécir et que la cuillère restait à la taille réelle. Donc, quand elle est adulte, c'est rien, mais quand elle rétrécit. Et alors, elle vivait plein d'aventures. Moi, j'adorais cette petite mamie. Elle lui arrivait toujours plein de trucs et tous les animaux l'aidaient dans la forêt et tout. C'était oui, moi, je me rappelle très bien. Ah, si, si, je me rappelle très bien. Et son mari qui n'était au courant de rien, ce malheureux. Qui cherchait toujours après sa femme, tu te souviens? Ah non, non, je me rappelle pas. Mais tu t'en souviens pas? Non. Si, mais je me rappelle très bien de Madame Pepper Pot et puis un peu de ses très ses aventures. Ça, ça, ça, ça, ah. Aventures. Ah, je m'en souviens très bien par contre. Je me rappelle, ouais. Ah si, si, c'était chouette, ça. C'était vraiment bon enfant et par contre les auteurs c'est des Hollandais, ça fait bizarre ça. Pas, ah pas ouais. Des Hollandais, des Chinois. Non, non, ça a été réalisé par. C'est un dessin animé. Dessin animé. Il y avait des chats ouais, Sylvestre. japonais, mais en fait, c'est, les auteurs, c'est Björn Berg. Ouais, bah, à mon avis, suédois, c'est, pas, c'est plus suédois. Des suédois, ouais, c'est ça, suédois ouais. Et tout ah ça. Ouais, mais... c'est pas ouais, mais après, ouais, bah, c'est comme Maya l'Abeille. Maya l'Abeille, le dessin animé était. Enfin, le dessin animé, pardon, oui. était japonais, mais l'histoire est allemande à la base. Ah oui, moi ça m'a fait... Donc bah là, c'est pareil, ils ont repris, en fait. Mais les Japonais faisaient beaucoup ça. Rémi sans famille, c'est Hector Malo. Oui, mais allez là, moi ça m'a fait bizarre, quoi. Et donc, les Japonais qui ont fait ça, comment ils s'appellent? Attention, Kenji Yamakawa. D'accord, Yasakawa. Ouais. Et ça a été et par contre c'est par les studios Pierrot et Gaten, donc ça fait pas japonais ça. Si, studio Pierrot, c'est des très grands studios japonais. C'est vrai. Ouais. Ah, moi ça m'a choqué quand j'ai cherché. Pas d'a priori, on dit ça. Ouais. Pas, pas d'amalgame. Non mais moi, hein. Non mais c'est ouais, bien parce que moi, je me renseigne en fait, j'apprends plein de trucs. Enfin c'est vrai mais, que le nom ne fait pas. Bah non ouais, du non, tout. C'est parce pour... que j'ai recherché plusieurs fois l'information parce que je me suis dit. Ah, vous, bah, c'est pour l'exportation il, ça. Il doit avoir un stock quelque part parce que ça fait pas très japonais comme nom. Si, il y a Makotsui. Non c'est vrai que ouais il y a des grands studios, notamment le studio Pierrot, il y a le studio Shueisha. Il y a la Toei. Mais je m'en doutais qu'il allait me donner tous les infos. Ah ouais, parce que moi, bah j'ai cherché, je me dis... Le roi du manga. Ça fait... Bah oui. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand une novice comme moi, tu cherches, tu dis, il y a Astot, là, c'est pas possible. Non, non, Pierrot, Studio Pierrot, ouais, c'est un grand studio. Ah, non, franchement, je le savais pas. Donc voilà, c'était... Mais ça m'étonne que tu connais pas, je suis mais sûr non. Que tu connais. Bah, la petite mamie qui rétrécit et qui fait toutes ses aventures alors, avec tous ses amis. La cuillère, c'est, t'as pas dit c'est que... La cuillère lui sert à se rapetisser. Oui, oui, ok, ça j'ai bien compris, mais quel genre de cuillère? Une cuillère en café, bois. En bois, d'accord. Ouais. Mais alors je comprends pas pourquoi elle a jamais retiré cette cuillère d'autour de son cou. Ah, c'est important. Non, parce que en fait, ça lui permettait de vivre plein d'aventures. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse dans une ferme avec son mari Sans cuillère. Oui. Forcément. Ça lui permet. C'est logique. Ah ouais. Non, ça lui permet justement de vivre plein d'aventures et de sortir de sa routine de quotidien. Bah oui, on sort jamais sans notre cuillère. On va réfléchir. Ça peut toujours être intéressant. Si elle pouvait grandir, peut-être ça changerait. Range ta cuillère, moi. Mais comment elle est devenue petite comme ça? Oui, c'est pourquoi déjà? Bah non, c'est arrivé comme ça, ça arrive Nous on veut des explications. Les gars, faites gaffe si vous buvez un café. Vous savez ce qui peut vous arriver hein, quand même. Bah en fait, il y a pas de départ hein, je veux dire tu prends les premiers dessins animés et tu vois qu'elle rapetisse, donc tu te poses pas la question, t'es enfant quoi. Donc juste que ça te rappelle de la petite mamie que toi t'as pas et qui vit plein d'air. Et qui rapetisse enfin si on se tasse avec la c'est ça, oui. Non, mais c'est. Allez, je trouvais que c'était un. C'est un pas une tasse, hein. Elle a dit une cuillère, hein. Déjà, écoute ce que je te dis, puisque tu connais pas le dessin animé. Oui, non, mais justement, je prends connaissance. J'aimerais bien que tu fasses quand même un épisode pour la semaine prochaine. Ouais, tu vas m'en filer. Bah oui, tu vas sur une. En VHS. Je te promets. Tu peux tout. J'ai encore un scope. J'adorais. Ok, écoute. Ça fait partie des souvenirs de mon enfance. Eh ben écoute, merci. Et c'était quand, ça? Quelle date? En 84. Ah ouais, je regardais plus moi. De toute façon, toi tu regardes rien. Alors à part tes trucs super bizarres avec la guerre, des tanks et des tranchées. Oh l'autre. On va vous laisser vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être. Mais attends, non moi ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez un dessin animé ou quelque chose comme ça dont vous voudriez que Onisa nous parle la fois prochaine. Ah oui. Ah oui. Sausage Party. Oh non, non. Ah non, non. Ça même pas en rêve. Mais non, mais pas celui-là. Non, mais déjà des années 80, pas des années. Oui, des années 80, forcément. Non. Un feuilleton dessin animé. Ouais. Rémi sans famille, non, tu l'as déjà fait. Elle a déjà fait. T'as pas écouté. Bah, il y avait quoi? Il y avait. Si, j'ai écouté, évidemment. Heidi. Heidi, tu l'as déjà fait. Heidi, Aido et Aïda. J'ai fait aussi. C'est pas vrai. Non, le prochain, je fais Winnie l'ourson. Oh. Eh ben, moi, j'aime bien Winnie l'ourson. Oui, d'accord. Oui, mais toi, t'aimes bien, mais est-ce que les autres aiment bien? C'est ça le problème. Mais ça, je m'en fiche, moi. Oh, bah, dis donc. Je vais le noter, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, ouais. Stéphane, je t'aimerais qu'on parle de quel dessin animé. Ah, mais ça, oui, que je le fréquentais. Mais Shadok, tiens. Oui. Oh, c'est avant 80, hein. Bah, j'étais en train de me demander parce que. C'est 70, hein, je crois. Non. Qu'est-ce que tu regardais quand t'étais petit? Non, parce que. C'est pour ça que je parlais de Heidi, de. Bah, j'ai déjà fait. Qu'il y avait à l'époque. Zora la Rousse. J'ai déjà fait. On s'en souvient. Ouais, j'étais présent. J'ai chier les pamplemousses à l'époque. Ah ouais, vraiment, tu m'as tué, genre. Maya l'abeille, tu ne l'as pas fait. Si, elle l'a fait. Ah si. Non, moi, j'aimerais bien, c'est que tu nous parles des extraordinaires aventures de Nils Holgersson au pays des oies sauvages. Ah oui, mais je l'ai commencé, oui. Enfin, j'ai commencé ma chronique. Je veux dire, la recherche. Parce que là-dessus, il y a des choses à ouais, dire. Ouais, beaucoup. Mais il faut bon, bah, dans c'est... 3 mois, t'auras Nils Holgersson. Canon, un dernier mot. T'es vraiment pas. Beat. C'est, mais écoute, c'est ressemblant, mais on ferme les yeux. J'étais en train de me demander s'il y a des animés que j'aimais bien, mais est-ce que c'est 80? J'aimais bien Satanas et Diabolo. Oh, j'adore! Oui, c'est 80, oui. Ouais, bah voilà. Ah si! Tu vois, je regardais pas de méthode. Ouais, parce qu'il y avait les fous du volant et il y avait l'escadron infernal. Oui. Ah, moi je connais les fous. Avec le Zéphirin le pigeon. Mais on peut en faire plein comme ça. Il y avait Watou Watou aussi. Oui, Watou Watou. Et le générique était chanté par Dorothée. Ah, ça me dit rien du tout, ça, Watou Watou, c'est quoi? Non. Bah, je sais pas ce que c'était comme bestiole, mais c'était un poisson, je crois, ou Non, c'était un oiseau, je crois. Ah, bon, il y a une grosse différence, hein. Moi, Watou, à part le village et la bière de Watou, Il n'y a pas un fromage? Oui, aussi, mais. La Watou, je recommande d'ailleurs, hein, très bonne. Ouais, non, mais. Non, d'accord. Je connais pas le poisson d'oiseau ou un poisson. Chacun sa spécialité. Ah, c'était sur France 3 à l'époque, ça s'appelait Watou Watou. Sur FR3. Ouais, bah, c'est pareil, France 3, FR3. Mais à l'époque, c'était FR3, oui. Oui, à l'époque où il n'y avait que 3 chaînes. Alors, mais moi, j'aime bien aussi, c'est les Coco Shakers. Je connais pas. Ah bah, alors là, franchement, on va sur YouTube, tu tapes Coco Shakers et tu vas voir, tu vas te poiler. C'est des petits épisodes, ça passait alors vers 19h55, je crois. Coco? Ouais, c'est Coco Shakers. Vas-y. Ah, pourtant, je regardais Benny Hill. Et c'était deux petits bonhommes, un bleu, un rose, qui se battaient pour avoir un cocotier. Ah oui. Et alors il y avait musique, aussi, c'était Gribouille là, il y avait pas Gribouille. Non. Ça c'était sur TF1 aussi. Il y avait aussi alors, un truc dans le genre. Je vais essayer de retrouver le générique si je l'ai. Oui, le générique ça faisait ça. Écoute. C'était ça les Coco Shakers. Et alors ils se battaient pour aller sur un cocotier et le premier qui arrivait en haut en fait faisait toutes les crasses à l'autre, il balançait des noix de coco et l'autre faisait tout pour grimper dans le cocotier. C'était vraiment et à la fin souvent le cocotier se retrouvait à terre complètement dépouillé et il faisait ils en trouvaient un deuxième et l'épisode se terminait comme ça. C'est pas vrai. C'était dans le même style. Tu me rappelles. Eh bien, écoute, merci. Merci pour cette belle chronique. Voilà. Et Stéphane, ne te repose pas trop parce que ça va être à toi de jouer maintenant. La première session du défi Mix 80. Merci pour votre super tirage au sort. C'était avec plaisir. J'ai rien contre les titres séparément, mais séparément parce que là, bon. Bah, je suis sûr que t'as assuré un max. Tu peux nous rappeler rapidement. Alors, Musical Yos, Pass the Dutchy, on a The Cure avec Le Labi. On va pas tous les citer. J'ai Philippe Russo, Magie Noire. Philippe Swan dans Ma Rue. Plus que deux, là, tu peux tous les citer. Soldat Louis. Ah oui, Soldat Louis. Bandit Panda, qui est pas dans le tirage. Qui danse la polka, hein, on rappelle. Il y tient. Allez, Terence Trent d'Arby, que j'ai pas cité. Ah oui. Ça va pas être facile non plus à placer. Eh ben, écoute, t'es prêt? On va dire ça. Vas-y. Are you ready? C'est à toi. Alors, on va démarrer tranquille. Ah bah oui. Feel the arms of the food of love. Sounds to really make you rub and scrub. I say, pass the dutchy pan the left hand side. Pass the dutchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and run. It a go done. Give me the music, make me jump and run. Because it's a cool and lonely breezy. How does it feel when you got no food? And you could feel it cause it was the month of. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and thump. It a go done. Give me the music, make me jump and thump.

cinglé du jogging, les amoureux du lèche vitrine et des passants comme vous et moi. Dans ma rue, dans ma rue, il y a des poubelles sur le trottoir, des toutous que promène le soir. Je suis un matin, à Paris, pendu, pendu. reculer comme les enfants. Loin de ta maman, loin de ta forêt. Tu pleures parfois, mais pendis, tu sais que tes chasseurs voulaient ta peau pour en faire un manteau. Mais aujourd'hui, tu es sauvé. Panda, petit ourson de Chine, Pandi, panda, t'es dans l'Himalaya, Pandi, panda, tu danses polka. Il y tient, il y a rien à faire. J'étais persuadé. Et pendant qu'on y est, il buvait pas de la vodka non plus. Ah bah si, peut-être, mais c'est peut-être la version polonaise. Hein. Ah, peut-être, ouais. Je crois que ça. Mais c'est un truc de fou, mais honnêtement. Honnêtement, là, pour le coup, tu dis Stéphane. Pardon, vas-y. Excusez-moi, je suis même pas en fait. Tu danseras la polka. Eh ben écoute, merci Stéphane. Ah bah merci. Un truc de fou. Alors là, t'étais servi à mon ami. Ouais, pour le coup, ouais. Ouais, je pense que je vais y arriver. Ah ouais, non mais carrément. Que là, c'est l'un des pires tirages que t'aies eu depuis, ouais, depuis le début du défi mix, je pense. Mais ouais, tu n'as pas encore vu le prochain. Non, non, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le prochain. Ah ouais, oui, d'avoir la chronique Ciné Rétro 80 de notre ami Sherlock. Ah ben, je vais en tirer deux, tiens. Allez. Allez, tire voilà. Pour une fois que tu tires. Alors, je tire Onissa et Flip 4. Dans cet ordre-là. Oui, merci. Hein. Bah oui, c'est tant qu'à faire. S'il te plaît. Ah, tu gardes le meilleur pour la fin. On parlait. Eh bien, on va demander à Stéphane aussi d'en tirer deux. Oui, comme ça, tu auras la responsabilité. Voilà, comme ça, tu auto-flagelle-toi. Ouais, c'est ça. Mais tire bien, hein. Vas-y, qu'on se marre. Hein. Et je rappelle, tirage sous contrôle de notre huissier, Maître Canter. Exactement. Oui, bah, oui. Allez. Triche pas. Voilà. Et puis, ouais, on va demander aussi, bah, tiens, Mike, allez. Allez, Mike. Mike, je peux remettre. Non, non, t'y remets pas. Non? Alors, moi, de mon côté, alors, j'ai Buzzy avec Body Physical. Ah, Buzzy. Vas-y, donc ça fait. Sex and Rock and Roll. Body Physical, Sex and Rock and Roll, Body Physical, Sex and Rock and Roll. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Body, j'aime body pas physical, tellement, enfin bon. Après, j'ai, alors, Killing Joke, je connais, mais alors, Love Like Blood. Ah, putain, c'est quoi ça? Ouais. Bah comme ça, je serais pas te... plutôt rock. Mais... Love Like Blood. Love Like Blood. Ça va être un truc dans le genre, je vois. Killing Joke. Ouais. Je dois l'avoir en plus. Hein, aucune idée. Écoute, moi, quand je vois ce que j'ai tiré au sort, je me dis que... Alors, Stéphane, à toi. Alors, j'ai U2 avec I Will Follow. Ah ouais, ben, ça fait quoi? Bah ben, je sais pas. D'accord. C'est lequel, celui-là, déjà? Parce que... Alors, attends, Killing Joke, ça faisait ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, dans ma rue. Voilà, c'est ça. Allez, je m'arrête là, comme ça fait garder le suspense surprise pour après. Ouais. Alors, attends, parce que, alors, attends, YouTube, comment on a dit? Ah oui, Follow. Ah oui, Follow. Ça doit être alors, super connu, à mon mais avis. Sinon, l'autre, Eric Morena. Oh, oh, oh, oh, oh, mon bateau. Oh, ah, bah, yeah. Oui, bien. Oui, alors, donc, Morena qui partage beaucoup avec notre page d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, qui partage sur la page de 80 à l'heure, souvent, ses derniers clips, ses derniers concerts. Et, voilà, s'ils nous écoutent, on sait jamais. Hein. On va passer un Eric Morena, tiens. Ouais. Grâce à toi. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est content. Hein. Cache ta choix. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est vrai. Mike. Mike qui est venu nous rejoindre. On va lui donner un micro. Enfin, on va lui prêter, alors, là. Wicks & Co. avec Rock Your World. Ah ouais, Jojo. Ah, j'adore. Vas-y, bah, du coup. C'est funk. C'est funk. C'est vachement funk. Si tu dis, ça me dit rien. Bah, ça fait. Rock's Work. Tout. Je sens que celui-là, c'est pire que le premier. Je te l'avais dit. C'est sûr, tu le connais, c'est évident, mais... Là aussi, on est dans un tout autre style. U2. Non, Men at Work. Who Can It Be Now? Oui, un slow, c'est un slow, ça. Non. Pas vraiment. Who Can It Be Now? Toi, mais je danse des slow, moi, là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Donc, avec un U2 à 154 BPM, on va se marrer. Ah ouais, carrément. Waouh. Ça promet. Ouais. Eh bah ouais, bah voilà, donc c'est tout un programme. Donc c'est la prochaine session. On va merci, hein. C'est là-dedans dans Manatoire qu'il y a le truc de. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, ouais. You Can It Be Now. Ok. Très bien. Eh bien. Sherlock, toi qui as la parole. Oui. Tu la gardes. Nom de Zeus, les amis! Montons tous dans la DeLorean! Ça va pas le faire. On fait un peu de place dans le coffre, ça devrait passer. Et le coffre est où? Et repartons vers l'année 1990! Hein? Bah. Mais 1989 aux États-Unis! Et ah oui! Cette voix-là pour présenter la Eh, hey, sérieux, tous monter dans le coffre, ça va pas le faire, hein! Oh bah écoute, on va se serrer un petit peu! Il y a quoi mettre deux bouteilles d'Evian, un beefsteak, c'est tout, hein. En plus, il y a l'avant, je crois, le coffre! Oui, parce que le moteur est à l'arrière, ouais! Ouais! Bah c'est vrai! Non, bah je vais pas tout faire la chronique non, avec cette voix-là! Je vais alors, me tuer là! On va revenir à 10! Alors! Bon! Non, donc effectivement, c'est sorti en 90 en France, et c'est le 7 février 90 non, en France. Ah ouais, un mercredi alors. Oui, c'est un mercredi, effectivement. Bien vu. Et aux États-Unis, c'est sorti le 23 juin 89. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ah, mais ouais, n'importe quoi. Bah, on sait jamais. Oh. T'imagines, claque. Ah ouais, là, on sort le titre. Ouais, alors là je serais dégoûté. Retour vers le futur. Ah oui, c'est ça. Très bonne réponse de... Comment tu veux qu'on sache et nous sort pas la même connerie avec... Bah, il y a eu autant d'entrées, ça vous dit quelque chose? Bah non. Ah bah oui. Bon, hein. Alors, bah, laisse-le faire sa chronique. La dernière fois, je vous avais parlé de Allô Maman, ici bébé, qui est arrivé 7e au box-office en 90. Oui. Là... Il a fait 4 263 389 entrées au box-office, soit il s'est classé 5e au box-office français en 90. Juste avant... deux places devant Allô Maman, ici bébé. Ouais. Allô Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allô Maman, j'ai raté l'avion. Non, donc c'est sorti au même moment. Non, c'est pas Allô Maman, j'ai raté l'avion. Alors elle nous fait un mix entre Maman, j'ai raté l'avion. Allô qui Maman, est sorti, ici bébé, j'ai raté l'avion. Qui est sorti en 91-92 avec Allô Maman, ici bébé qui est sorti en 89. Ok. Bon. Il a reçu un BAFTA Awards des meilleurs effets visuels. Ouais. Ah, science-fiction. Donc les BAFTA Awards, c'est en Angleterre. Hein. Mm-hmm. Le réalisateur, c'est Joe Johnston. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Rien. Bon, alors je vais vous passer le thème du film. Écoutez bien, c'est celui-ci. Alors, est-ce que c'est un rapport avec Batman? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, la musique est de James Horner. Ah tiens, bah oui, je suis pas étonné. Ah, t'as reconnu la patte de James Horner? Bah un peu, ouais, parce que la musique de Casper, t'entends ce type c'est de vrai. Musique dedans. Ah ouais, Casper en 93, je crois. Oui, ouais, absolument. Et manque de peau, ça aurait été Casper, on aurait été mal. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah non, j'ai dit 90 en France. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Ouais, bah si je vous donne déjà les trucs, ça... Bon, allez, je vais vous donner des acteurs. Vas-y. Il y a Kimmy Robertson, Mark L. Taylor, Robert Oliveri, Amy O'Neill, Jared Rushton, Thomas Wilson Brown, Christine Sutherland, Marcia Strassman et Matt Frewer. Et si je vous donne l'acteur principal, vous allez on me dire, mort. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. De quoi? Alors, dis pas. Bah, le style de film, déjà, donc c'est un film plutôt... fantastique. La science, fantastique. Ouais, il y a du fantastique dedans. Mais c'est pas la principale caractéristique du film. C'est plus une comédie, on va dire, quand même. Ouais, d'accord. Comédie fantastique, voilà. Ouais. C'est ce qui représente le mieux le film. Alors. C'est James Horner qui a fait la musique. Ouais, et franchement, j'aurais jamais cru que c'était lui, quoi. Ah ouais. Avoir le film, je pensais pas que c'était lui. Bon, c'est un film qui a bien marché, quand même. Oui, bah oui, ouais. Forcément. Plus de 4 millions d'entrées en France, ça a très très bien marché. Alors, je sèche. Ça vous dit rien. Je vais vous donner un extrait de dialogue du film. Écoutez bien. Je sais pas si vous avez faim, mais moi je mangerais bien des fraises à la crème chantilly, saupoudrées de chocolat et un banana split. Moi j'ai envie d'un hot dog gros comme un camion. Ron, si tu trouves un hot dog, il sera forcément de la taille d'un camion. C'est le paradis, alors je dois être morte. Il est aussi gros qu'une maison. Je l'ai vu le premier, il est à moi. Nick, c'est un de tes cookies. Ils ne croiront pas les copains quand on leur dira. on avait une bombe insecticide, elle roulerait pas sa caisse comme ça. Silence! On est des insectes pour elle. Elle nous dévorera si elle nous trouve. Fichons le camp. Attends un peu. Ton cookie, on ne laisse pas une fourmi. Elle est seule contre quatre. T'as déjà vu une fourmi toute seule, toi? Alors moi, j'ai un indice. Oui. La petite maison, la petite boutique des horreurs. Ouais, c'est ça, la petite boutique des horreurs. La petite boutique des horreurs. Ouais. Ah ouais, absolument. Ouais, c'est possible. Ouais. Là, par contre... Bah, je te donne le prénom. Rick. Oui. Ah oui, bah, oui, voilà, exact. Qui a joué dans la petite boutique des horreurs. D'accord, et, oui. Ouais. Et dans SOS Fantôme. Exactement, absolument. Voilà, qui était le Cerbère de la Porte. Je peux peut-être même donner le nom, parce qu'à mon avis... Oui, bah oui. Rick Moranis. Rick Moranis, effectivement. Voilà, c'est lui qu'on entend à un moment... Non, c'est que des enfants. Voilà, mais en tout cas, oui, oui, c'est là, vrai. C'est que des enfants. Ouais. Par contre, effectivement, dans l'extrait que je vais vous passer juste là, vous allez l'entendre, Moranis. Oui. Écoutez. Comment c'est arrivé? Eh bien, la machine analyse la structure moléculaire de chacun des composants et ensuite, par excitation du laser, attends, elle en prend... Je... crois qu'il comprendrait mieux s'il voyait le divan. Tu veux que je te dise, ce type, il marche sur la tête. Ça, c'est un microscope. Mais alors, j'en ai déjà vu. Regardez là-dedans. Ah oui. Ce que vous voyez, c'est le divan qui était dans cette pièce, exactement là, avant que la machine l'ait rétrécisse. Bah, tout ce que je vois, c'est un meuble de poupée. C'est le genre de saloperie qu'on trouve dans toutes les brocantes miteuses. Pourquoi avoir attendu pour nous le dire? Parce que jusqu'à présent, la machine se contentait de mettre tout en pièces. Vous voulez dire que cette machine... Mis en pièces, mes enfants? Ah, non. Si la machine les avait mis en pièces, il y aurait des lambeaux de chair éparpillés partout, ouais. Et j'aurais retrouvé... Excusez-moi, écoutez, je vous demande de me faire confiance, d'accord? Alors, effectivement, alors, hors antenne, il y a Michael qui me disait, il y a une référence à Madame Pepperpot. Ouais, voilà. Oui, ah, donc une cuillère. Référence un peu lointaine, mais référence. Ils n'ont pas de cuillère, quoi. Non, forcément. Non, mais ils ont quand même quelque chose en commun. Il y a eu un deuxième épisode. Oui, c'est ça, il y a eu deux épisodes, ouais. Il y a eu même un troisième épisode. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Qui a dû passer inaperçu, j'imagine. Oh, largement, ouais. Déjà le deuxième. Ouais, ouais. Enfin, il y a eu pas mal de trucs, mais je vais vous en parler. Donc ça veut dire que Onissa, c'est de quel film de... Ouais, pour une fois. Bah, donne un indice. Non, par contre, pour donner un indice, ouais. Moi, bon, il n'y a pas Jack Nicholson dedans. Hein, pas du tout, non, c'est pas Shining. C'est un indice déjà, hein, c'est pas Shining. Et je vais vous faire écouter le générique de fin, c'était celui-ci. Ça reprend en partie le générique, le thème du film. Hein. Ouais, absolument. Alors, moi, je me rappelle, j'avais adoré au cinéma, mais vraiment, c'était le scénario était sympa. Oui, le scénario était très sympa. Bah, d'ailleurs, je peux vous le donner, le pitch du film, c'est celui-ci. Alors, Wayne Szalinski est un savant excentrique qui a transformé sa maison en véritable laboratoire, au grand désespoir de ses voisins, les Thompson. Sa dernière invention est une machine à miniaturiser la matière qu'il garde dans son grenier à l'écart de sa femme Diane et de leurs deux enfants Amy et Nick. Un jour, une balle de baseball lancée par Ron, le fils cadet des Thompson, déclenche l'appareil. Alors qu'Amy, Nick, Ron et son grand frère Russ Jr. tentent de récupérer celle-ci, la machine les réduit à la taille d'une tête d'épingle. Mis à la poubelle par Szalinski, qui pense que son invention ne fonctionnera jamais, les quatre enfants se retrouvent alors dans le jardin qui prend des allures de jungle impénétrable et menaçante, où le moindre brin d'herbe prend des allures de baobab. Ouais, moi j'adorais ce film. J'ai bien aimé aussi, ouais. Alors, donc effectivement, il y a eu des suites à ça. Oui, il y a eu celui où c'était l'inverse. Oui, alors bon, on peut donner le titre du film maintenant. Je pense que tout le monde l'a trouvé. Allô maman, j'ai raté. C'est pas allô maman, j'ai raté l'avion. Non. Allô maman, j'ai rétréci les gueules. J'ai rétréci l'avion. Non. Allô, il y a du brin dans le tuyau, ça doit être. Non plus. Maman, j'ai rétréci les gosses. Non, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Alors, qui au Québec a été renommé en Chérie, j'ai réduit les enfants. Parce que si, parce que les gosses au Québec, ça n'a pas la même signification. Oui, c'est juste. Les gosses, c'est un peu les couilles, hein, quand même. Effectivement, donc Chérie, j'ai réduit les couilles, ça aurait fait un peu con. Donc, il faut savoir que le titre original du film était à la base Teeny Weeny, qui a été rejeté au motif qu'il ressemblait trop à un film pour enfants et pas assez adulte. Le titre portait également à confusion car la traduction veut en gros dire petit zizi. Ah bah oui, Teeny Weenies. Bah, j'en sais rien, moi, tu me dis ça à moi. Bah, enfin, Flipcat peut. Tiny Winnie, ouais, ça veut dire petit zizi. Tiny Winnie's, en gros, c'est. Ouais, mais c'est la façon gentille de dire. Ouais, c'est le. Enfin, ouais. c'est ouais, par exemple les gosses qui se traitent entre eux. Poussis, quoi. C'est ouais. Willy, normalement. Ouais, mais alors, apparemment, les gosses, quand ils s'insultent, tu sais, les insultes de gosses, c'est ouais, petit zizi. C'est un peu le truc comme ça. Tiny Winnie's. Voilà. Alors, donc, dans une première version, il faut savoir que dans une première version du script, il y avait 5 enfants, dont l'un est mort pendant la séquence de gicleurs. Les gicleurs dans le jardin qui se mettent en route à un moment. Il est mort de quoi? Il est mort. Bah, y en a un qui mourait avec cette séquence. Ah, dans le scénario. Il est pas mort en vrai. Ah, d'accord. Alors, il faut savoir également que Martin Short, donc, qui a fait l'aventure intérieure, ouais. Chevy Chase et John Candy ont tous trois refusé le rôle de Wayne Szalinski. Candy a cependant suggéré Rick Moranis pour le rôle, et c'était également le cas lorsque Moranis s'est vu offrir les services de SOS Phantom. C'était également John Candy à la base qui devait jouer son rôle. Et bah dis donc, il a raté quelque chose de John Candy. Et ouais, deux films qu'il a complètement, où il est complètement passé à côté. Pour ça, il y avait du nez. Hein. Alors, je sais. C'est ironique, pardon. Bah oui. Alors, il faut savoir que les familles Szalinski et Thompson sont réparties en quatre paires de deux membres. Enfin, en quatre. En quoi alors, quatre paires de deux membres. Les familles Szalinski. Les familles Szalinski et Thompson sont réparties en quatre paires de membres aux personnalités parfaitement opposées. Donc, il y a les pères Wayne, qui est un homme brillant, créatif et sûr de lui. Contrairement à lui, il y a Russ. Un père P-E-R-E. Oui. Ah bah oui, bah, excuse-moi, mais... Il y a Russ Senior, qui est un homme raté, idiot et plein de préjugés. Les mères, qui sont Diane, qui travaille comme agent immobilier, et May, qui est femme au foyer. Les aînés, donc, des enfants, qui sont Amy, qui est une fille dynamique et bien dans sa peau. Contrairement à Russ Junior, qui est un garçon paresseux et complètement paumé. Et les cadets, qui sont Nick, qui est aussi intelligent que son père, contre Ron, qui est aussi stupide que le sien. D'accord. En gros, ils ont créé le scénario comme ça. C'était les exacts opposés, en gros, des deux familles. C'est le fameux l'archétype du clown, le clown blanc, ouais, et Scar. C'est ça. Hein, c'est l'Auguste, voilà, le clown blanc. Et on fait pareil. Alors donc, pour la scène dans laquelle Nick Szalinski, donc l'enfant miniaturisé, tombe dans un bol de céréales Cheerios. Un réservoir a été rempli de 60 500 litres d'une substance semblable au lait, fabriquée à partir d'eau chlorée, d'épaississants alimentaires et de pigments. Ouais. Les Cheerios ont été fabriqués à partir de chambres à air de tracteurs de 3,65 m de diamètre recouverts de mousse. Ah, c'est excellent, c'est super bien fait. Franchement. Alors, il faut savoir que le film au cinéma a été précédé d'un court-métrage qui s'appelait Bobo Bidon. Avec Roger Rabbit. C'est ça, avec Roger Rabbit. Et donc, nombreux sont ceux qui attribuent le succès de ce film à un public désireux de voir plus de Roger Rabbit. Ah, pas du tout. Parce que moi, je connaissais pas du tout Roger Rabbit, mais... Oui, mais Roger Rabbit est sorti un peu avant. Mmh. Et de ce fait-là, il y en a beaucoup qui sont allés voir le film parce qu'ils savaient qu'il y avait du Roger Rabbit avant. Oh, non, donc, il y en a beaucoup qui disent que c'est pour ça. C'est la légende, honnêtement. Ouais, mais qui? On veut savoir. Il y en a beaucoup qui disent, mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Dans les milieux autorisés. Les auditeurs veulent savoir. Monsieur Sherlock, les auditeurs veulent savoir. Honnêtement, je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient fait une belle promo là-dessus et on avait envie de le voir parce que c'était un peu. C'était avant-gardiste, quoi. Parce c'était super bien fait, faut avouer. À l'époque, maintenant. C'était des films d'aventure quand même, hein. Voilà, avec les gosses et tout. Donc moi j'y suis allé, je me rappelle, franchement j'y suis allé. Il faut savoir que normalement Roger Rabbit, je m'en foutais moi du début. Roger Rabbit, je crois même pas que j'ai regardé d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, non. Non, il était occupé d'acheter ses popcorn. Il y en a eu un autre pour donner la réplique, hein, qui a une espèce de remake en fait. C'est assez de... J'ai sorti en DVD de Roger Rabbit. Ah. Ouais, non, c'est bon, Flipcat, merci. Coupe le micro, je sais déjà ce qu'il va dire. Bon, sors là ta connerie, tu vas être content. Bah, d'habitude, c'est toi qui me demande si j'ai pas des nouveaux DVD de Slip, donc. Vas-y, je t'en prie. C'est bon, je t'ai écouté en plus, je t'ai dit si. Ouais, je sais. Non, il est pas 10h, je peux pas. Tu verras, il va être 10h, il va dire. Bon, alors, le film, c'était ça. Ouais, c'est ça. Canon. Non, une réflexion peut-être, hein. Couille. Alors oui, donc effectivement, le film a connu donc deux suites. Il y a eu Chérie, j'ai agrandi le bébé. Ouais. Et il y a aussi Chérie, j'ai agrandi le chien. Ah bon ? Sérieux ? Ouais. Ah, et ça a été également décliné donc dans les parcs Disney avec Chérie, j'ai rétréci le public. Ah oui, ça oui, oui, ça, évidemment. Qui à Disneyland Paris était à la place, qui a pris la place de Captain EO de Michael Jackson. C'était à Disneyland Paris, ça. Je pensais que c'était au Futuroscope, tu vois. Moi, cette attraction, je me rappelais d'une attraction, mais c'est à Disneyland. Non, tu confonds avec les Minimoys. Ah oui, moi je l'ai fait, c'est excellent. Je crois que c'est là. Au Futuroscope. Au Futuroscope. Donc c'était, d'accord, Disneyland. Ouais, c'est le même principe. Et donc, mais sérieux, il y a eu j'ai agrandi le chien. Ouais. Bah dis donc, heureusement que ça s'est arrêté au chien et pas au hamster. Ouais. Et donc, je vais finir dans quelques... Non, mais parce que... Non, je peux pas dire pourquoi. Non, donc, la dernière petite anecdote du film, c'est que c'est Hans Zimmer donc, qui a composé la musique du film, mais il a incorporé le morceau de jazz de Raymond Scott, qui s'appelle Powerhouse, qui est celui-ci. Attends, excuse-moi, parce que tu me parlais de James Horner tout à l'heure, et tu me parles de Hans Zimmer. Là. J'ai dit Hans Zimmer ? Oui. Ah, James Horner. Ah ouais, parce c'est parce qu'on a parlé d'Hans Zimmer tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Non, c'est James Horner. Ouais, okay. Et donc, il a intégré donc, un morceau donc, de Raymond Scott qui s'appelle Powerhouse, c'est celui-ci. Donc en fait, il l'a intégré dans sa partition sans payer de royalties ou d'attribution. La succession de Scott a menacé de poursuivre Disney après la sortie du film, parce que c'est Disney qui a sorti le film. Oui. Et donc après des négociations prolongées, Disney a versé à la succession une somme non divulguée dans un règlement à l'amiable. Oui, bien que les crédits à l'écran n'aient pas été modifiés, les feuilles de repère pour le film indiquent l'utilisation de la pièce de Scott. Mm-hmm. Donc, Hans Zimmer a plagié en fait. Enfin, vu ce qu'il devait à Yves Montand, je veux dire. voilà, remets-nous l'intro, s'il te plaît. Sérieux, ça te pense à ça. Alors, l'intro, ça fait ça. Attention. On s'en allait de bon matin. Bicycle. Quand on partait de bon matin, quand on partait tuer nous, le hein. chien, en dansant de la polka, en bicyclette. Voilà. Il y avait Canon, il y avait Harry, il y avait SFH le début. C'est ton dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Eh bien, écoute, belle rétrospective, parce qu'on l'avait oublié celui-là, vous l'avez vu quand même. Et alors, pour ça que j'ai vu un film. Moi, alors, je pense, là par contre, j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est l'un des films qui est le plus passé dans les bus. Pour les sorties scolaires ou les sorties organisées, les choses comme ça. Oui, bien sûr. Je pense que chaque chauffeur de bus avait un exemplaire de maman. Enfin, chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est un truc de fou. Quand moi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est 50 nuances de gris. Et après, ça, on dit que j'ai des conneries. Hein. Il y a eu le remake qui a été fait en France, d'ailleurs. Attention. Hein. Ah, vas-y. Avec Denis Gray, justement. Bah oui. Voilà. Ah, oh, quel horreur. Bon, je l'ai vu aussi, Flipcat, quand même. Avec Denis, ouais. Non. Mais non ça y est, il est passé dimanche, on a décroché. Franchement, c'est d'une longueur. C'était en version censurée, par exemple. Oui, c'est vrai, en version censurée. Voilà. Mais moi, je parlais plutôt de... Chérie, j'ai retressé les gosses. Hein. Ouais. Oui, je l'ai vu aussi, ouais. Ah, d'accord, bah oui, forcément. Ouais. Stéphane, je te rappelle pas. Oui. Voilà, Arnaud, tu t'en rappelles aussi. Voilà, et comme Onissa, pour une fois que je connais un film. Ah, moi aussi, je suis content pour une fois. Mais c'est vrai, Onissa connaissait le film. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il est passé en 90. Donc, ah, voilà. C'est ça. C'est pour ça. Peut-être. Elle se réjouit d'ailleurs. Ramenez une OA5 tout de suite là. Au moins, je suis vivante, moi. Oui, bah oui. D'ailleurs, on salue Johnny. Oh non Sherlock, tu m'as pas t'y mettre. Elle est facile, celle-là. Mais riez pas, parce que d'ici quelques semaines, il va être obligé de dire, un hommage à Johnny, on pourra pas, hein. C'est pas possible. Si, on va le faire. Hein. Hein si. Et c'est très difficile à mixer, Johnny. Hein, C'est vrai qu'il faudrait lui mettre un Johnny dans son Netflix. Oh là là. Je répète pas ce qu'Arnaud vient de dire, parce que là, c'était un peu... c'est dur, hein, c'est rude. Bon. Eh ben écoute, merci à toi, Sherlock. Mais je t'en prie. Stéphane. Oh ouais, on va y aller comme ça. Deuxième saison. Qui, ma foi, à mon avis, est très laborieuse. Elle est super bien préparée. T'as déjà eu le temps de te préparer un petit peu ou ouais, bien sûr. Bah, j'ai juste trouvé les titres. Ah, d'accord. Et je les ai mis dans un ordre quelconque qui devrait donner un résultat. Et tu vas démarrer par quoi, là? On va démarrer avec Buzzy, Body Physical. Ok. Apparemment que t'aimes pas trop, mais... Et on va terminer quoi? Ah bah, certainement avec YouTube. Bon. Mais bon, il peut y avoir des changements. Hein. Ouais. En cours de route. C'est possible. Selon ton inspiration. Ouais. Voilà. Allez, c'est le Défi Mix 80 de Stéphache. Yeah. On va du ici. Eh, t'as vu ça? Alex Morgan. Ouais, ouais. Ce soir, c'est le Défi Mix. Ouais. Bonsoir. J'ai vendu des bagues en bagues Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Au bon bateau. Et tout me guide sur les flots. C'est ce qu'il y a de plus beau. Où est le plus beau des bateaux. Le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les criolets, olé, olé, au bon bateau. Sur les flots, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Tu es le plus beau des Let it do the music, yeah. follow me. It's not the future that I can see, it's just my fantasy. Comment veux-tu ne pas être énervé après ça? Non mais sérieusement, t'assures là, Stéphane. Elle était plus difficile celle-là que la première. Hein, on te l'avait dit, hein, tu m'as pas cru. Là, voilà, des morceaux rock, des morceaux qui varient 50 BPM entre deux morceaux. Ouais, mais rappelle-nous un peu ce que c'est que les BPM pour les novices. Les BPM, c'est battements par minute, donc c'est le rythme du morceau. Donc, tu peux dire que c'est des beats par minute. C'est les beats. Non, on est bien d'accord, on parle de... Voilà. Beats per minute. Beats. Donc, minutes. Entre un slow, et c'est vrai qu'un rock comme U2 à 150 BPM... Bah, On est sur des extrémités, c'est vrai. Tu m'étonnes, bon. En tout cas, belle session. Ça donne soif, hein. Belle session. Bah ouais, on l'a vu. Eh les gars, c'est par compris le message, ça veut dire qui est-ce qui me paye une bière, ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement... on fasse le tirage au sort. Bah oui, pour la prochaine session. Mais il va payer une bière. Avant le One Hit Wonders de notre ami Flipcat. Voilà, et ben on va tirer au sort et on va demander donc à Sherlock de tirer au sort. Allez, vas-y. Et ben moi je vais tirer au sort aussi, tiens, allez. J'adore tirer. Canon à commentaire peut-être. Moi aussi j'adore tirer. On dit que la canon, toi. Eh, alors, ça m'étonne. Tu nous écoutes. C'est vrai, je crois que si tu nous écoutes, ouais. On tire. Ce soir. Alors. Eh ben Stéphane, tu peux en tirer deux aussi. Non, parce c'est que... fait, moi. Et là, après... il veut plus. Tu vas porter la poisse. Et ben on va demander à Arnaud de tirer. Allez, Arnaud. Tu vas nous tirer deux titres au sort. Allez, vas-y. Je crois que t'es encore dans la merde, mon gars. Pour le prochain défi mix, je crois que tu vas encore être dans la merde. Alors, Sherlock, à toi l'honneur. Alors, ben moi, le premier titre que j'ai tiré, c'est Womack and Womack. Ah. Avec Celebrate the World. Le Morse. Là, tu fais mal. Non, c'est. Celebrate the World. Et le morceau qui n'a même pas d'intro. Les gars, ils démarrent tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais voilà, tu mets en boucle et tu te démerdes. Et ensuite, c'est Earth Kit avec... C'est ça. Attention Arnaud, à toi de jouer. Who's that girl? C'est Madonna. Ah oui. Who's that girl? J'aurais voulu te dire que je m'en vais. Ah bon, sérieux? Gainsbourg, on a du Gainsbourg. Et là, comme t'es fumé, tu peux. C'est quoi le titre? J'aurais voulu te dire, mais je sais pas. Ouais, mais là, t'es fumé, tu t'es remis devant. C'est un slow, ça. Ouais. Une petite. J'aurais voulu te dire. Ouais, c'est beau aussi, c'est très beau. Alors, à moi, j'ai Grace Jones avec I've seen the face before. I've seen this face before. Ouais, ok. Donc, on reste dans le tranquille. I've seen the face. Pas du tout, honnêtement. On reste dans le calme, hein, c'est bien, ça va. Jean-Jacques Goldman avec Encore un matin. Encore un matin. Un matin pour rien. Eh ben, écoute. C'est bien avec ça. Ah, c'est bien, ouais. C'est vrai qu'on avait manqué un mois, ben voilà. Bah voilà, tu rattrapes. Là, tu rattrapes. C'est vrai que là, pour finir l'année, il fallait au moins ça. Bon courage. Ah oui. Eh bien, avant de retrouver évidemment donc la troisième session de notre ami Stéphache, eh bien, on va retrouver un non moins ami, Flipcat, pour sa chronique, le One Hit Wonders. À toi de jouer. Le One Hit Wonder de la semaine. Ouais. C'est parti. Allons, on y va. Vous aimez bien les devinettes, hein? Oui, parce que je vous ai pas dit de qui je vais vous parler ce soir. En fait, c'est un truc que j'ai fait à l'arrache parce que comme j'étais pas. Ouais, mais non, mais je suis en train de meubler là. Tu me permets? Ah ouais, non, parce que non, mais allez, on y va. Te justifie pas, ça va, tu sais. Ouais, c'est bien. C'est bon. Vas-y, allez, ce soir, je vais vous parler d'un groupe de pop rock en fait qui a été fondé par deux frangins, Ron et Russell. Ça vous parle déjà? Non. René Russell aussi. C'est René Russell qu'en fait. Ouais, les deux, ça fait bizarre quoi. Un groupe John Russell, mais non, c'est René Russell. Un groupe de Los Angeles, et le groupe a été formé donc en 68. Et ça, je me souvenais plus, ça remonte quand même à loin. Alors, le groupe a été notamment connu pour un premier morceau, sous le nom que je vais vous donner après, ou que vous aurez trouvé, si vous devez le deviner, avec ce titre-là, This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Ça veut dire, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Et ça, c'est paru en 74. Mais là, ça vous donne... Écoutez bien, à mon avis, si. C'est dommage pour ceux qui sont pas connectés sur la page Facebook, vous venez de louper un instant parce qu'on est en live, un grand moment. Mais ça repassera plus tard, hein. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu les images, donc on se serait cru dans une session de, ouais, un concert de hard ou de metal, quoi. Ah, rock, ouais. Enfin bon, vu notre tête, ouais, c'est même pareil. Alors donc, ça vous dit toujours rien, pourtant le titre, Mike a vilé parce que c'est vrai que c'est pas celui qui les a fait spécialement connaître. pourtant, enfin tout au moins pas en France. Hein. Et c'est un album, ce titre est paru sur un album qui s'appelait Kimono My House. Ça Kimono My House. Ouais. Bizarre. Hein. Qui veut dire pyjama à ma maison. Va chercher. Et non, je t'avoue que j'ai cherché à trouver le sens de ce titre, je n'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, on passe. Peut-être. Alors, donc, le groupe, en fait, il a été, par certains magazines à l'époque, nommé, on va dire titré comme étant un des groupes clés de la mouvance glam rock, dont on a parlé encore il y a peu. Glam rock, ouais, avec Kiss. Glam rock, comme Kiss, entre autres. Ouais. Hein, Gary Glitter, ouais. Qui a bien fait parler de lui aussi. Et en fait, ce groupe a décidé d'évoluer et de devenir un duo de synth-pop. De quoi? En anglais, synth-pop. Ah, synth-pop. Comme le synthétiseur. Synthétiseur-pop. Ouais. En anglais, c'est synth-pop. Et de musique new wave. Là où je suis un petit peu plus d'accord au niveau de l'étiquette... Au niveau de l'étiquette, on va se calmer. Non, il y a Onissa qui montre oui. Ses seins dans le studio. Non, j'ai pas montré en disant ça. Synth-pop. Non, synth-pop. Bah non, sinon t'as entendu. Bah non, ils sont pas si lourds. T'auras entendu tout. Ah ouais, d'accord. Bon, on va continuer. Oui, je t'en prie. Et donc, oui, là où je suis un peu plus d'accord, parce qu'on aime bien mettre des étiquettes sur les groupes, hein, donc de synth-pop, on va dire. Hein. Oui. Non, non, que, des étiquettes. Tout de suite, il y en a que ça évoque, pour qui ça évoque certaines choses. Et de musique new wave, s'inspirant lors des productions de musique disco. Alors, ils ont été produits par un producteur qui n'est pas des moins célèbres, encore maintenant, je pense que... Il officie encore Giorgio Moroder. Ah oui, bah oui, qui a fait la musique d'ailleurs de Midnight Express. Voilà. Oui. Hein. Il était également producteur de Donna Summer. Ah, oui, ouais, oui, oui. Et plein d'autres d'ailleurs. Hein. Alors, entre autres, avec un album qui a été classé numéro 1 à une certaine époque, qui s'appelait Ineven, et qui devient un succès critique commercialement parlant en 79. À quoi un succès critique? Un succès critique. Pas un succès. Hein. Mais c'est ce que tu as dit, un succès critique. C'est bien ce que tu as dit. Un succès critique. J'ai dit ça, bon, bah, ma langue a surfait, je suis désolé. Ça, c'est les moissons de Donissa. C'est gros nichon. J'ai des petites têtes, moi. J'ai rien tout savoir, tu n'étais pas obligé de le dire. Bah si, il m'a posé la question. Bah on peut le voir en direct, hein, si. Alors... En 79, les deux frangins en question, René Russell, puisque j'ai toujours pas deviné de qui je veux parler, décide que la pérennité du groupe passerait par un nouveau nom. Parce qu'il faut savoir qu'au début, ils ont chanté sous un nom totalement différent. Et ils l'ont changé à la dernière minute, en fait. Et ils ont bien fait, à mon avis. Puisque je vais vous donner le nom, c'est pas un nom pour sortir au bal. Alf Nelson. Ah ouais. Ah ouais. Non. Alf Nelson, ok. Ouais. Et le titre que je vous ai fait entendre précédemment aurait pu sortir sous ce nom-là, au niveau du groupe. Donc voilà. Alors, ils ont fait quelques petites apparitions, je dirais des sessions d'enregistrement avec pas mal de monde. Hein, c'est ce qui a également leur a permis d'évoluer musicalement et de pouvoir trouver leur style. Alors, ça va, je mentionnais Giorgio Moroder, et puis bien évidemment, ils ont tourné également avec Donna Summer, puisque je l'avais nommé tout à l'heure. Oui. Alors, on va passer aux choses sérieuses à ce moment-là. On ne va pas faire durer le suspense. Bah ouais, je veux savoir qui c'est. On veut savoir. Là, on veut savoir qui. Aïe c'est. On veut savoir qui c'est. Sauvage. Là, on est en 80, et puis en 80, sort le single suivant. Et là, vous allez le trouver. Le titre, tu peux au moins donner le titre, non? Non. When I'm with you. Ouais, allez, on va le donner. On va pas le bâcher. Ah oui. Ah bah voilà. Ha ha ha! Là, mais t'es pas la qualité du son. Ah, et vous n'avez, bah oui, parce que c'est... Vous non, n'avez non, pas mais... basculé par erreur sur les petites ondes ou les grandes ondes. Oh, vous êtes bien... vraiment les pardons de nos auditeurs. On était en train de se faire un petit flashback de la BBC, hein, avec les messages de la résistance. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un message de la maison de retraite des orchidées qui dit c'est pas mal, bébé, continue. Donc le dernier message, c'était l'eau qui coule me mouille les coudes. Ah oui, je répète. Voilà. Alors, on a quand même des messages parce qu'on fait un petit direct, ouais, là, on se fait plaisir et les gens aiment. Il y a par exemple Louis qui dit « Allez, Père Joseph !» Salut, mon loulou. Je ne sais pas si tu nous écoutes en FM ou Internet, parce qu'avec Internet, il y a toujours des calages. Donc, on a aussi Joyce qui nous fait un gros coucou. Il y a Fabienne aussi qui nous fait des bisous et Anne-Rose. Voilà, donc comme c'est quoi, le live, ça marche et ça fait plaisir aux gens. C'est good, voilà. Et donc, rappelle-nous le nom du groupe. Bah, c'était Sparks. Ah ben oui, parce que on n'avait pas l'habitude de parler des One Hit Wonder. C'est vrai que j'avais déjà fait une chronique sur les Sparks. En fait, ils ont une carrière. Ils n'ont pas fait qu'un seul titre quand même. Ils ont une grande carrière, mais ouais, encore une fois, quand on va parler des Sparks aux gens, déjà le nom n'évoque rien. Ouais. Quand on parle du gars qui est au clavier avec sa petite moustache à la Adolf Hitler, déjà ça parle aux gens. Et ce titre-là, mais c'est vrai qu'en parce dehors que c'est de c'est ça, c'est quand même eux qui ont fait Dancing in the Shower avec Rita Mitsuko. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Donc c'est pas des Wonder Wonders quoi. Non, Wonders, oui, mais voilà. Non, au niveau des Sparks uniquement. Oui, d'accord, tout seul. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont même encore aujourd'hui, ils tournent toujours. Ouais. Mais on n'en entend pas parler, c'est tout. Ils ont cartonné avec ce titre-là. C'est ça aussi. Les One Hit Wonders, c'est pas seulement des gens qui ont fait qu'un truc et qui n'ont plus rien fait à côté quoi. Ok. Merci Philippe Manœuvre. Ah. Salut les rockers. Ça. Non, mais c'est vrai que. Sa mère! Bullshit! Bullshit! C'est quoi cette merde? Et voilà. Non, mais effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup, je l'ai dit, hein, je l'évoquais, il y a eu beaucoup de participation. Donc, effectivement, j'en ai parlé, entre autres, celle justement avec Singing in the Shower. Oui, absolument. Voilà. Et mais c'est vrai que après ça, c'est celle-ci, voilà. Singing in the Shower Tonight. Ça, c'était en 88. Si tu pouvais le passer à l'antenne. C'est à l'antenne. Et... Hein. C'est toi qui n'as pas ton casque. Singing in the Shower. Avec yes. Tu te souviens du clip? Pas du tout. Vaguement, non, mais... Non. Pas vaguement, pas du tout. Oui, donc pour un petit peu... J'ai bien compris. Hein, j'ai... Je me rappelle le titre, évidemment. Ouais, ben ok. Est-ce que je vais dire hein, j'en parle plus de mes pensées. Non, pour répondre à ta question, donc si on veut dire par rapport à leur carrière, puisqu'ils tournent encore aujourd'hui, oui. Après 6 ans d'absence, ils ont démarré en 90. C'est vrai qu'on n'entend plus parler d'eux, mais ils continuent à tourner, faut le savoir. Ah, bah oui. Ouais, mais et des participations pour quelques sessions d'enregistrement qui, elles aussi, malheureusement, passent un petit peu inaperçues. Mais quand même avec de grandes vedettes qui tournent elles aussi encore aujourd'hui. Voilà. Merci pour ce retour sur donc les Sparks, les One Hit Wonder. Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Donc d'habitude de 20h à 20h à 22h30. Là, on va prendre du plaisir puisque on va découvrir la troisième session. Pourquoi tu dis ça? Parce que d'habitude non, mais, c'est non, non, mais attends, j'aime bien, c'est parce que alors on va prendre plaisir, mais, plaisir encore. Est-ce que t'as filmé? Oui, en plus t'as filmé de ton côté. C'est que tu regardes Onissa, tu dis on va prendre et là tu te retournes vers Stéphane, j'ai dit du plaisir, ça va changer en te rendant compte que Onissa tu prendras pas de plaisir avec elle. Ça va Onissa, tu tiens le coup? Et en plus elle était déjà toute contente, voilà. Bon. le temps de vous dire au passage qu'on a un petit coucou de Nathalie qui nous écoute aussi également, et puis Julien, qui était un de nos techniciens d'ailleurs, hein, qui était ici il y a quelques années à la création donc de l'émission, et qui nous écoute aussi également. Donc voilà. Ah, très bien. Stéphane, les embrasse tous. Bah, ce qui est bien, c'est que vous m'avez encore laissé beaucoup de temps pour me préparer, donc ça va être à l'arrache. Est-ce que tu veux un titre pour te préparer encore ? Eh ben non. Ah voilà. Soyons fous. Je vais simplifier la tâche, ça sera plus facile pour ta playlist. Non, tu mais il n'y a aucun souci. Tu vas simplifier Sherlock. Il n'y a aucun souci, ce et sera l'instant Kodak. On va démarrer tranquille. Un petit slow, Nissa. Ah oui, avec toi. On y va. Tous les deux. Thank you. deserve. A man who knows what I require has the thing that I desire. Is there anyone out there who has the nerve? I spend hours by the phone. Where is my baby? I chew my fingers to the bone. Where is my man? Where is my baby? He can't be far. Look for an Oscar, a big cigar. Tell him to find me, send his car to this address. I have to stress, I need him now. Gives me more of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. No! J'aime. Elle vient de là. Elle vient du blues. Elle vient du blues. Et en tout cas, nous on aime la musique Stéphache. Oui. En tout cas, nous procure. Stéphache, il est en transe. Ah, je vous entends mieux. Ah. Non, parce que je dois changer de casque, là, c'est compliqué quand même. Et ben, il y avait un problème avec Custom. C'était chouette. Et en tout cas, chapeau à toi. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ce tirage au sort encore? Eh ben, on a bien aimé, nous. Ça fait partie du, ça du fait jeu. Partie du jeu. Et ben, pour le coup, t'assumes. Hors pair, quoi. Ah, t'as assuré un max. Ah ouais, franchement, là, ouais. C'était bon. Je suis épuisé. T'as rattrapé le mois passé. Et tu crois que tu auras le temps de faire une dernière session? Non, ah ouais, ouais, il peut le faire. Allez, vas-y. On tire tout de suite. Titre. On tire. 3-4 titres. Allez, vas-y. Au lieu de 6. C'est fâche, hein. Il faut demander au chef. Allez, chef, un petit verre. Allez, 3 titres. Allez, c'est parti. 3 fois 2. Le chef, il glisse et dit que c'est nous. 3 fois 2. 3 fois 2. T'as dit 3. Allez, 4. Stéphane, il va. Allez, 4. Faut pas le chercher trop longtemps parce que. Alors, avant de retrouver la chronique ciné de notre ami Sherlock, on va demander à Stéphane. Un sort. Allez, un au sort. On va demander à Arnaud aussi également. Ah, j'aime bien. Allez. Honneur aux dames, aux vieilles dames. T'avais dit une main innocente, non? Ouais, c'est rien, moi j'assume. Ah, t'assumes. Voilà, et puis honneur au vieux bonhomme. Tiens, ah ouais, flip 4. Tire bien. Toujours, toujours. Et tiens. Et voilà, mais j'étais instructeur aussi pour le tir, attention. Ouais. Plaisantez pas, là. Allez, on va commencer par Stéphane. Alors, t'as tiré quoi au sort? Oh non. Sydney Youngblood, if only I could. Ah ouais, il faut que tu chantes. Non, mais. Ah ouais, pardon. Vas-y. If only I could. C'est quoi la suite? Believe me. Qui est le même, pour moi, la même musique que Rise, Break for Love. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ah oui, mais c'était un titre après ça. Oui. Non, oui, dans les années 90. Ah bah il est dans les années 80 aussi. Ah voilà, ouais, tu vois lequel, ouais. Avec le même son derrière. Ouais. Franchement, ouais, c'est très bon, c'est très proche. Ouais, absolument. Arnaud. Moi c'est d'actualité. Ah. C'est Johnny. L'amour. Ça, oh, ouais. Ça oui, là d'accord, ça c'est bien ça. D'actualité pour toi. Il s'est vendu le mec. On alors, dit ça. Je connais pas moi. In Deep Buffalo Bill. Ah, je connaissais In Deep DJ It's My Life. Ouais, c'est ça. Mais là, bien. Buffalo Bill. D'accord. Alors, Buffalo Bill, ben, c'est comme Last Night DJ It's My Life. Sauf que c'est Buffalo Bill. Mais tu changes les paroles. Last Night Buffalo Bill, It's My Life. Il y a toujours la chasse d'eau ou pas? Non. on va s'arranger. Et attention, le quatrième tiré par Flipkat, spécialement pour bien. Toi. Et là, Harry. Et là, je peux dire. Non, regarde, écoute bien. C'est de circonstance. Regarde, écoute bien. La magnitude. Il est où le bordel? Ah, il est là. Et alors, accrochez-vous bien. Déformant. C'est à peu près prémonitoire, mais après, ça va te faire plaisir en même temps. Mais ah, peut-être, je ne connais pas. Vas-y. Johnny Hallyday. Je pensais pas que j'en avais mis. Je l'ai pas fait exprès. Il l'avait remis dedans, je l'avais remis dedans. Et c'est quoi le titre? Quelque chose de Tennessee. Ah bah tu peux le chanter. Ah bah en plus. Bah bien sûr, comme si je connaissais tous les classiques de Johnny. Bien sûr, Tennessee. Quelque chose en nous de Tennessee. D'ailleurs, c'est Berger qui l'a écrite. Ouais. Ouais. Ouais, bah dis donc, beau programme pour toi. Et la moutarde, hein, tu vas, vas-y, monte. Ah, et la moutarde qui est faite à mon cul d'ailleurs. Hein. Ça devient la moutarde de Dijon qui est faite à mon cul. C'est vrai? Oui. D'accord, je mangerai moi. J'ai pu cuisiner pareil. Non, mais en plus, c'est pas une connerie. C'est vrai? Pour une fois. Ah, ok, bah écoute, heureux de le savoir, je le savais pas. Bon, bah bon courage. Merci, JP. Bon, bah t'as le temps de te préparer, ouais, parce que là, on va avoir une chronique de merde. Oh, ils sont c'est pas sympa. Avec la merde. je te taquine, Charlotte. Non, ça va être une belle chronique parce que tu vas te donner envie d'aller au cinéma. Mais j'espère bien. J'espère que tu vas parler de quelque chose que moi j'ai bien envie d'aller voir. Alors vas-y. Eh ben, je vais sûrement en parler. Ouais, je suis sûr. Canon, un commentaire. Ouais. Bon alors là c'est Han Solo qui est en train de se taper la princesse Leia. Oh, ouais, attends Chewbacca, t'attends ton tour. Et Han Solo qui chante You raise me. C'est ça. Bon. Ça va être compliqué. Alors oui, je vais vous parler donc des sorties cinéma pour la Belgique et la France. Et bon, en fait, ils sortent tous en Belgique et en France demain. Comme ça, au moins, c'est vrai. Ah bah donc, voilà, comme ça. Tu nous parles de deux films alors. Non, de quatre. Ah, quand quatre même, films. D'accord. Ouais, ouais. Okay. Bah, j'irai peut-être voir le premier. D'accord. Alors, le premier, c'est Paddington 2. Non, finalement. Avec Hugh Grant, Brendan Gleeson. C'est les voix ou ils jouent dedans? Non, ils jouent dedans. Ah, ouais, d'accord. Il y a des vrais acteurs. Il n'y a que Paddington qui est. Ah oui, j'ai vu les extraits d'ailleurs. Et donc Hugh Grant, Brendan Gleeson et Sally Hawkins, c'est un film de Paul King. Donc c'est Paddington qui coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption, dans un quartier paisible de Londres où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche un cadeau exceptionnel pour les 100 ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé très ancien chez un antiquaire. Pas de temps à perdre, il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter, mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable. Alors moi j'ai un indice, coup de foudre, Notting Hill. Bah oui, il joue dedans, je l'ai dit. Mais dans la bande-annonce, on sait déjà qui est le coupable. Bah mais oui, bon, après, c'est pour les gamins, de toute façon. Oui, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est comme dans Colombo, me dit Michael. Ouais. On connaît le coupable dès les premières minutes du film. Après, c'est savoir comment Colombo en fait va faire pour découvrir. Alors ensuite sort Le Crime de l'Orient Express avec Johnny Depp, Penelope Cruz et Daisy Ridley. Ah ouais, quand même. C'est un film de Kenneth Branagh. Et donc c'est le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau. Et donc c'est d'après le célèbre roman d'Agatha Christie. Ah ouais. Mais il faut savoir que le dernier film qui avait été fait au cinéma datait de 74. Ah ouais. Et Kenneth Branagh, c'est un acteur aussi, oui, si je ne m'abuse. Ouais. Et les réalisateurs aussi. Ouais, aussi. Et Johnny Depp fait le Poirot. Non, il fait le rôle d'un escroc, je crois, dedans. D'accord. Alors, celui qui fait Hercule Poirot, je ne sais plus qui. Un végétarien. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, on continue avec le film Santa et compagnie. Ah. Avec et de Alain Chabat. Avec également Audrey Tautou et Bruno Sanchez. Donc rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa, donc le Santa Claus. Plus connu sous le nom du Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Bon, forcément, ça va mal tourner pour lui. Oui. Et donc, va s'en suivre plein de gags. C'est du Alain Chabat. Hein, ouais. Temps, alors, ça peut être bon, oui. Ça peut être du bon. J'ai vu des extraits ce midi aussi de ça. Ouais. Bon, j'ai vu déjà dans la bande-annonce, il y a quelques blagues qui m'ont l'air bien sympas. Ouais. À voir si le dernier film qu'on a connu de lui, je pense que. Enfin, l'un des derniers grands films, c'était Astérix, Mission Cléopâtre, hein, quand même. Ouais, j'ai pas vu, mais. Ouais, Marsupilami, ouais. Mais enfin, je l'ai pas trouvé terrible hein, comparé à Mission Cléopâtre. Ouais, Marsupilami, il était un peu longué, je trouvais, comme film. Bon, enfin, bref. Et je vais finir donc sûrement avec le film que Onissa va aller voir au cinéma, c'est Star 80, la suite. Oh là là. Ah non, c'était pas ça. Ah bon, d'accord, donc je vais pas en parler de ton film. Ouais. Donc Star 80, la suite. Je pensais à ta fille quand même. Merde. Pourquoi? Bah, il y a Coco qui est. Un film d'animation là, ouais. De Disney. Ouais, de je Disney. Sais pas s'il est encore sorti. Hein. Il va sortir dans 2 semaines, je crois. Hein. Tu rigoles, ils en parlent énormément. Il non, c'est sorti la semaine dernière. Ah, c'est sorti la semaine dernière. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, parce que. Donc, si, c'est pour ça que j'en parle pas cette semaine. Ah, mais j'étais pas là la semaine passée. Ouais, et voilà. On n'a pas parlé non plus la semaine dernière. Si, j'en ai parlé la semaine dernière. La fête des morts et tout ça. Les trucs mexicains et tout ça. Les calabériens et tout. Ouais. Non, c'est juste que tu m'as pas écouté la semaine dernière. Voilà. C'est comme cette semaine d'ailleurs. Si, je serais capable de te donner les 4 titres qu'elle a sortis. Vas-y. Ah, le premier, Paddington. Ouais, le deuxième. Le deuxième, coup de foudre à Notting Hill. On y est presque. Ouais. Il reste deux. Santa Claus. Ouais. Bah, le quatrième, tu l'as pas donné. Je peux pas le donner. Bah, si, je viens de le dire. Star 80 la suite. Ah, Star 80 la suite. Bah oui, j'allais le dire. Ah, oui, ça, c'est vrai, j'aimerais bien. Donc, Star 80 la suite avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Locher, notamment. C'est un film de Frédéric Auburtin. Et donc c'est 4 ans, ça fait maintenant 4 ans que Star 80 remplit les salles, le burn-out n'est pas loin, les chanteurs partent pour une semaine au ski bien mérité quand leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu'ils ont été escroqués par leur directeur financier. Ils ont 30 jours pour rembourser leurs dettes avant liquidation. Leur seule solution, organisé en urgence le concert du siècle avec de nouvelles stars internationales. Comment y parvenir quand on est sur la paille, quand on doit le cacher au chanteur de la troupe et que Jean-Marc Généreux démarque pour les coacher? Vincent et Antoine vont devoir sortir leur plus beau coup de bluff pour mener à bien ce projet insensé. Ouais, alors oui, effectivement, dans le film, on voit que Sabrina est devenue nonne. Ouais, bon, c'est... Ouais, Sabrina de Boys, Boys, Boys. Oui, ah, il serait de la flicade. Il est revenu parmi nous. C'est en vrai qu'elle a, soeur, elle a des arguments. Ouais, ouais, bah, tant que ça, écoute, hein, on voit plus les choses de la même façon. Hein. Ouais, non, mais le temps a fait son œuvre. Hein. Ah ouais, bah, ouais, ça, ouais. Chef d'œuvre en péril, maintenant. Et bien, donc, vous iriez voir quoi, alors? Bonne question. Onissa, tu m'emmènes voir quoi? En mois de février, on peut aller à deux. 14 février? Oh, bref. Ben, si tu veux. bon, allez. Star 80, allez. Ah ouais, non. Tu vas partir toute seule, en fait, je crois. Moi, je voulais aller voir Coco. Orient Express. Tu irais voir ça? Orient Express. Arnaud, tu irais voir quoi? Pareil, hein. Bon, Star 80. On y revoit une fois. L'Orient Express, je pense que ça peut être un bon film. Ouais, il a été reçu. Ouais, mais mais alors je trouve que il est mieux filmé que celui de 74. Ouais, dans les plans qu'on voit, notamment évidemment, dans la bande annonce, je trouve que on filme plus de la même manière maintenant que il y a de ça 30-40 ans, mais effectivement, forcément. je pense qu'il est mieux fait. Bon, et tu irais voir quoi? Ben sincèrement, moi, aucun. Ah, moi, okay. Santa et compagnie, ouais. Peut-être. Ah non. Pour voir ce que donne le dernier Chabat. Alors, Louis, dit quoi? C'est peut-être la chronique qui est mal présentée. Peut-être. Eh ben, écoute. Ouais, vas-y, mets le vieux défi. Eh ben, écoute, la semaine prochaine, c'est toi qui la feras. Ouais. Et si, je te promets, tu vas y aller, tu vas passer au grill. C'est vrai qu'on est loin de Stéphane Boutsock. Hein. Ouais, bah écoute. On est plus côté Boutsock que Stéphane. C'est ça. Qu'est-ce que... Il fait deux chroniques toutes les semaines et il se fait chambrer. Oui, mais c'est normal. Mais c'est vrai, voilà, il bosse énormément, ce gars, et puis voilà. Tu vois, mais carrément. Non, c'est pas au mérite. Hein, ici, c'est pas de sa faute si les films sont pas bons. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais faut être honnête. Et encore, malgré tout, toi, on comprend quand même quand il nous dit le script. Hein, ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. C'est redonné à tout le monde. Hein. Tu parles pour qui? Tu parles pour Jenny? Oui. Et ça a répété, amplifié. Bah non, attends. Pas plus tard que samedi d'ailleurs. Je te ferai plaisir. Ça marche. Eh ben, écoute, merci pour ces sorties cinoches. Eh ben, il nous reste quelques minutes pour savourer donc la dernière session de notre ami Stéphane. Un peu d'applaudissement pour Sherdog. Ouais, un peu d'applaudissement. Il est vraiment. On y va? Allez, c'est parti. Allez, dernière session du défi mix de Stéphane. Et là, tu démarres avec un hommage à Johnny. D'ailleurs, on le salue. Oui. Hein. Johnny, on fait un petit coucou, ouais. Hein. Allez. Quelque chose en nous de Tennessee. C'est volonté de plonger la nuit. Désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie, oh si peu d'amour avec tellement de bruit, ouais quelque chose en nous de Tennessee. sans un seul ami. Ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, se rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee. Rock, rock, rock. Girls, let me tell you what you can do. If there's a buffalo boy next to you, you can make him bark and make him scream. And if he wants to get a piece of the dream, I said make him bark. Make him scream, girl. Make him bark. Make him scream. Buffalo Bill. Joining our hands, united we're stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, to place. If only I could, I'd make this world a better place. Sponsorisé par Nico. Bah alors, mais franchement, c'est vu ce que tu nous as fait hors antenne, il faut que tu le fasses à l'antenne, c'est obligé. Non, je veux pas. Mais il faut expliquer, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression, quand j'entends ce chanteur, qu'il a une pomme de terre chaude dans la bouche, en fait, quand il chante, et qu'après, il enlève sa pomme de terre, quoi. Donc ça fait, you falling all cool. Et puis après, believe me. C'est vrai, c'est ça. Il y a plusieurs des chansons, des chanteurs comme ça. Et il y a d'ailleurs Fan Young Cannibal, c'est un peu dans le même genre aussi. Oui. Ah ouais, mais j'adore. Ouais, eux, c'est des chamallows par contre qu'ils ont. Oui, c'est clair. Non, mais en tout cas, on peut quand même remercier Stéphane. Ah oui, cette petite session de 4 titres, ma foi, ouais, m'a fait plaisir aussi. Ah ouais. Elle a été moins compliquée celle-là finalement. Tout comme à nous d'ailleurs, et on a reçu pas mal de messages, je peux plus les lire maintenant, mais qui me disaient que c'était super. Donc voilà, donc sache qu'il y avait. C'est une fois par an, hein, tous les. Par an, les premiers mardis de décembre. Non, mais contente sur des trucs comme ça. Mais là, et quand même avoir Johnny à la fin, fallait le faire. C'est vrai. D'ailleurs, on resalue Johnny au passage. Enfin, c'était un bel hommage. Ouais. Enfin, enchaîner Johnny avec C'est l'amour et Claude Ponder et vous. Quoi, c'est ça. Non, mais bon, toutes nos pensées vont à Johnny, évidemment, et toute sa famille. Oui. Qui nous écoute certainement. Bah certainement, donc on les embrasse. La tcha-tcha. Je fais un gros sur www.rqc.be bien sûr. La tcha-tcha. Non, mais blague à part, non, vous imaginez quand même si il y aurait quoi que ce soit, ce serait un deuil national en France, c'est vrai, ça, c'est clair. Hein. C'est et en clair. Belgique aussi, oui, j'imagine. Oui. Oui, en Belgique aussi, évidemment. Je vois qu'Onissa est très émue. Mais oui, parce que moi je l'apprécie beaucoup. Wow! Ah, que Tony! C'est pas bien, non, franchement. Non, mais. Ça sera une grosse perte quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, sur ces deux. Allez, vas-y, remets l'ambiance derrière. Remets l'ambiance derrière. Un petit pandipanda peut-être pour terminer. Sérieux, sérieux, tu viens de plomber l'atmosphère. On a pas senti pour soi, c'est pas moi. Et tout de suite, non, c'est Onissa. Non, c'est l'actualité. Oui, c'est vrai. Non, qui est-ce qui a parlé de Johnny en premier? Lui. Bah, qui c'est qui l'a tiré, c'est toi? Ben, justement, je voulais pas en faire un fromage. Bon, T'es voilà. Initié, pas trop mal. Non? Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, écoutez, il est, dépassé de 5 minutes, ouais, 7 minutes, 22h, 30, dépassé de 7 minutes, il va falloir que nous nous quittions sur ces belles paroles, sur Oh, Johnny! Le temps de remercier évidemment donc Onissa pour sa belle chronique sur Madame Pepperpot. Ah oui, moi j'adore Madame Pepperpot. Ouais. Et la semaine prochaine, donc ce sera Pepper Pig, ça? Pepper quoi? Ben, Pepper Pot, là, c'était aujourd'hui, et la semaine prochaine, c'est Pepper Pig. C'est Peppa Pig. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. Ok, merci Flipkat. pour les trucs de gosse, tu me demandes maintenant que j'ai, maintenant que j'ai une petite, je le connais pire, un peu. Le pire, c'est ça, oui. Parce que mon gamin regardait ça. Ah bah ouais. Ah bah oui, je me c'est doute. Un truc anglais, merci aussi à Flipkat pour cette belle chronique sur les Sparks, les Want It Wonders. Merci à Sherlock pour les sorties Cinoche et puis Rétro Ciné 80. Mais je vous en prie. Bien évidemment. Je vous en prie. Merci à Arnaud d'avoir fait une belle critique sur ta sortie. Mais là, une critique constructive. Mais on s'est mis d'accord, la semaine prochaine, c'est Arnaud qui lira les sorties ciné. Que de la gueule. Qui nous annoncera les sorties ciné. Ah ouais, ça serait bien. Tu seras là? Ouais. Ah ouais, tu relèves le défi. Je prends mes lunettes. Ça marche. Prends ses lunettes, on s'en fout, la radio ça se voit pas. Donc, tant que tu veux. Tu peux même venir en string, il n'y a pas de souci. Maintenant on fait des lives. Hein, ouais, donc, on fait des lives, on va faire attention quand même. Stéphane, merci à toi pour ces 4 sessions. Quatre sessions. C'est rare quand même. Ouais, c'est vrai. Mais alors, ça nous a fait plaisir quand même. C'est exceptionnel. Ouais, on a même dansé dessus d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Ouais. Comme quoi, il peut avoir de l'ambiance. Hein. Bon, sûr, toujours. Mais je vous conseille une fois, mais c'est vrai que les auditeurs peuvent passer nous voir. Oui, dans le secteur, mais complètement. Venez complètement. Voir ce qui se passe parce que ça vaut le coup d'être vu. Voilà. De le vivre la radio. La radio. Voilà, le son, c'est quelque chose. Mais alors l'image, je crois que c'est autre chose. C'est autre chose. C'est alors c'est vrai, le fait qu'ils puissent venir nous voir, ils peuvent venir nous voir peut-être la semaine prochaine. Bien sûr. Parce qu'on va peut-être recevoir Miss Waterloo. Alors peut-être, on est en train de voir pour. On est en pourparler. Voilà, c'est en pourparler pour qu'elle vienne la semaine prochaine, sinon sur la semaine d'après. Oui, le 19. Où nous aurons Romain Van der Dop qui sera avec nous pour présenter donc son dernier ouvrage qui s'appelle donc L'auto-hypnose pour tous. Je crois que c'est ça le titre. Et c'est surtout aussi pour nous parler de l'hypnose et faire quelques petites expériences. Ici en direct donc du studio donc voilà donc dans une émission qui va se terminer très tard hein, que... et qui va peut-être nous faire dire des choses c'est ça une bonne partie de nos auditeurs qui seront endormis peut-être qu'il y aura Philippe 4 qui va nous faire wap wap wap j'adorerais je te jure j'adorerais je suis sale des formants chante danser tes baskets c'est ça va tu verras. J'adorerais ça. Flipkat, il faut que tu viennes. Hein, Et alors, s'il vous plaît, filmez, parce que moi, je ne serai pas là. Alors, il faut que je bosse. Pas ça marche. Là, du coup. Ah, si, il faut que tu viennes. Tu viennes. Tu voudrais bien. Ah, si. Ça, c'est pas trop sûr. Faire des choses, ce serait marrant, quoi. Ce serait marrant. Mais ça sera pas le seul. Mais on devrait avoir du public également, s'il y a des gens qui veulent venir. Absolument. Il y aura des gens de l'extérieur qui viendront. Onissa, ce serait bien que tu viennes ici. Je ne serais pas. Il aurait pu t'hypnotiser pour que tu puisses nous faire des vraies chroniques, par exemple. On fait ce qu'on peut. Bon, allez. Bah, moi, je vais me porter volontaire. Donc, peut-être que j'en ferai aussi des vraies chroniques après. Ah ouais, carrément. Des chroniques sorties ciné, notamment. Ah ouais, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Ah, tu veux te porter volontaire? Ouais. Et toi? Ouais. Ah, j'ai déjà fait, moi. Et alors, tu vas le Je veux pas renouveler l'expérience. Non, je préfère regarder, être spectateur plutôt que acteur, vraiment. Ouais, moi, c'est vraiment pas mon truc, ça. C'est vrai? Non. Mm-mm. Dommage. Bon. Parce que je t'imaginais bien, il t'hypnotise et puis t'as la musique derrière. Tintin. Non, mais t'as pas besoin de l'hypnotiser pour s'en dire. Ah bon? Ah bah ouais, non, ça. Bon, il faudra qu'on parle hors antenne. Hein. J'ai posé des tirs. Bon, sur ces belles paroles, on va se quitter avec un titre que tu apprécies particulièrement. Ah, pas du tout, Zino. Oui. C'est une vraie merde, ce titre. Tu rigoles? Oh, dis! Il est sur ma gueule tout à l'heure. Dit, oh, j'adore ce titre. Ça a chié, tu rigoles. Ah, tu l'as dit. Ah, si, il l'a dit plusieurs fois, je suis témoin. Non, si, j'adore, évidemment. Ouais, oui. Alors, rappelle-moi le titre, c'est C'est What's Your Name. What's Your Name. Alors, il y a un petit côté de James Bond, j'ai jamais compris, mais ça n'a jamais été utilisé pour James Bond, mais c'est non, mais un hommage à James sur Bond. Sur la vague des James Bond. Hein. Ouais, ouais, absolument. Et moi, j'adore. Et donc là, en plus, c'est la version longue que je vais vous passer. Bien. 25 minutes. Non. Alors sache que j'ai un titre de 25 minutes, mais c'est pas du Zino, c'est Michael Jackson. Ah ouais. Qui fait 25 minutes 23. Non, pas du tout. Hein. C'est un medley en fait de Michael Jackson qui fait plus de 25 minutes. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Sur un seul disque. Non, non, tu coupes pas chaque fois. Allez, un jour, Sherlock va nous dire, je vous fais un défi mix avec des titres de Michael Jackson. Ouais, c'est ça. 5 minutes, le mec, il va balancer la bande son. C'est ça. Je serais capable. Eh ben, on va se quitter là-dessus. En remerciant donc tous nos auditeurs et auditrices, et en remerciant évidemment tous les chroniqueurs. Et on va quand même souhaiter de bonnes fêtes à Stéphane. On bah, pas oui. Qu'à Stéphane. Ah ouais. Ah bah, ah, si, oui, on oui, te vous avez une émission. Toi, on ne t'en revoit pas avant le mois prochain. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je ne t'en revois pas avant samedi. Ah, oh, c'est long, là. Non, c'est long. Facile, je crois que je vais tenir quand même jusque-là. Passe de bonnes fêtes, quand même. C'est samedi, ouais, ça promet, ça. Bonne ça fête. Fiche complètement de ce que je et avec modération. Merci, Onissa. Mais ah, quand même. Mais je t'écoute, Onissa. Mais à toi aussi, je te souhaite de très bonnes fêtes. Et oh là là. Oh. Mais je viendrai peut-être vous faire un petit coucou d'ici la fin de l'année. Ah oui. Ah oui, t'as intérêt. Ça serait sympa, mais je serais pas là. C'est peut-être pour ça qu'il veut venir nous oui, faire un petit coup de pied. D'habitude, il ne vient jamais deux fois dans le mois. Bon, allez. Il y a Arnaud qui nous dit peut-être qu'il y aura une journée de deuil national. Ah non. L'enfoiré. Oh non. Bon, on se quitte sur Zino. Bonne ouais, soirée. Allez. Bonne on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ciao, ciao. Allez, ciao. Et sortez couverts. Hein. Triple. those diamonds down again. James, how the hell do we get those diamonds down again? James Bond.